Celle... À qui tu fais coucou, Happy? Je faisais un test. En direct des studios York Media, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Prise 2. Prise 2. Présenté par Backpage. Hey, on essaie. On essaie de faire le même début, genre. OK, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Vero. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, JF Mallette. Yep. Ah, je voulais faire le même début. J'ai fait exprès. Et le numéro 75, votre animateur, JF Cromp. Yes. Yes, ben bonjour, mais là, j'ai fait exprès. Ouais, on l'a, là, c'était quasiment stagé. Bah, tu sais. Parce que, tu sais, on a fait un show live sur Facebook, puis on n'avait pas de son. Pas c'était de merveilleux. Son. Fait qu'on va aller faire. Ouais, puis on va aller faire directement à l'avant-match, on va perdre de temps. Sur un temps. Là, Marc, je pense que dans la version de tantôt, après la tourne, je te demandais d'aller au bout de ta pensée. Il n'y a personne qui comprend rien en ce moment. Il n'y a personne qui... OK. Alors, donc, les résultats du pool! Oui! Le pool! Le pool! Redonne-les! Okay, OK, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est-à-dire personne. Ben, tout le monde, en fait. Première position, Philippe Boivin-Tardif. Deuxième position, Caroline Langlois. Yeah! Ça bouge pas beaucoup dans le troisième top. Position, hey, je vais le dire comme tantôt, Rémi Chabot. Chabot. Quatrième position, Alexandre Girard. Cinquième position, Chabot. Yann Dupuis. Et Yann Dupuis. Ouais. Et pour ce qui est de la gang de la soirée du podcast, Chris, regarde ça, la belle pub. Ouais, ça arrive. C'est le fun. Hein? Bon, okay. Ouais, bon, mais un garçon mobile. Fait que numéro en 9e position, moi-même, Dave Thibodeau. 10e, Alex Galipo. Ensuite, on tombe à Mart en 15e. Ensuite, on tombe à 33, JF Cromp. 35, JF Mallette. Et 37, Alex Cromp. On est quoi à 70, hein? 70. On est à 70. Ouais. Ah, c'est bon, on quand pub même. Pub d'Indigo. Tabarnak! J'ai pété mes yeux de vieux. Fait que, ben, c'est parfait. Continuez à faire vos échanges au mois de décembre si vous ne l'avez pas fait. J'ai fini, là. Changer J'ai Chucky, changé Galchenyuk avec une tabarnak de grosses larmes sur le bord de la joue. Moi, je suis retourné chercher Jack Eichel. Ouais. Ah ouais? Ben ouais. Oui, c'est leur pognier, man. Ça vient, lui, là. Ça vient de plus belle. Moi, j'ai changé Justin Falk. Moi, il est trop frisé, ce style-là, puis il porte du peu de noisettes. Il est trop frisé. Plus de pire. Fait qu'on va le redire encore une fois, c'est le dernier épisode de 2016. On vous revient le 6 janvier 2017. J'ai changé sans Alex parce que c'est sa fête. Ben, c'est ça, c'est ma fête, hein. Fait que si vous voulez y avoir des cadeaux, envoyez ça à code postal. Mais là, Alex, on va fêter ça en grand, finalement, ta fête. C'est ce qu'on disait tantôt. Ouais. Hein? C'est ça. Tu fêtes avec ta famille. Dis-le que tu fêtes avec ta famille. Je vais fêter à la maison avec ma famille. Hey, c'est pas nous autres, ta famille. Lui, il fête chez eux. Nous, on fête ça au Vegas. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme une fête d'orto, là. Ouais, c'est ça. Ah, bardac. Pour le monde, on nous écoute. C'est parce qu'on a tout parlé de ça déjà. C'est comme Groundhog Day, là. Mais toi, Mallette, les ortos. C'est du bon que c'est ça en avant dans le boss. Là, Alex. C'est quoi un orto? Je sais pas, c'est quoi un orto? C'est là qu'on t'a rendu. Dentiste. C'est sûr, ça, c'est sûr. Torino, la régule, c'est le, sûr le au primaire ah, qui se baissait les culottes dans le corridor pour aller pisser. Ah, de quoi ça? Les hein? Orthos. Un ortho? Quand t'es jeune pour dire les orthos, c'est sûr que t'es un peu spéciaux qui allaient aux toilettes puis ils baissaient leurs culottes dans le corridor puis ils marchaient pour aller aux toilettes. C'est un. En fait, ça s'appelle un ortho. Un orto. Ceux qui portent des chandails. Le mot, c'est norto. Chandail avec un loup, mais c'est acheté un à New York, moi, Calis. Ouais, David, c'est un orto. Hein? C'est un orto. T'as acheté un chien avec un loup? Quoi? Un chandail avec un loup. J'ai acheté un chien avec un loup. Dave est revenu. Pour ceux qui suivent, il a laissé le chien puis le loup aux douanes. Pour les nouveaux fans, allez nous rater sur iTunes. C'est un beau 5 étoiles. C'est apprécié. Si vous appréciez le mauvais contenu qu'on vous donne en ce moment, depuis le début. Faire manger de la On va parler d'hockey éventuellement. T'as fucké l'ordre, tu l'as dit avant. Bon, mais là, on s'en contre-calisse. On est rendu dépassé. Je veux juste dire au monde. On peut-tu procéder? On peut-tu parler d'hockey, calisse? Oui, puis je veux juste dire au monde d'aller liker la page Facebook, puis de cliquer sur le bouton Shop Nord, d'aller vous acheter un beau case dessus de l'air de la soirée du podcast comme le mien ici. Vous pouvez voir l'écran. Il est vraiment beau. On est rendu avec du branding partout. Il est sharp à l'os. Prochain logo, c'est Mart de même. C'est avec le logo là, qui tient son bâton dans les airs, là, comme souvent. Oh yeah. Oh non. Je suis malade. Je vais me faire des calottes, je vais partir au magasin, tout ça. Je vais me faire de vous autres. La marque si déposée. Comme Mart va être brandé. Mais ça, c'est plus Mallette, en fait, qui devrait faire ça. Ouais, c'est tout, le gars de brand. Il peut pas se brander, c'est un produit Young Media. Fait qu'on va aller faire la première période. Ouais, c'est ce qu'il dit. Hey, Mallette. À un moment donné, le Mallette. Mallette, t'es rien qu'un produit, Young Media. À un moment donné, Mallette aussi, il va du. Il va faire un takeover. Backstabber, man. Il va te ramasser avec un coup de Negan's bat dans le dos. Backstabber, Young Man. Bon, fait que, allons-y avec le résumé des matchs. Il y a bien des affaires à parler. Ouais, des beaux vidéos aussi en intro. Du monde qui sont blessés. On a tout ça en vidéo. C'est incroyable. Direct dans le dos. Je pense qu'il y a eu plus de défaites que de victoires dans cette séquence-là. Un, deux, trois. Non, c'est égal. C'est égal. C'est 500. Un dur voyage dans l'Ouest, mais qui a quand même rapporté ses bénéfices. Il y a eu quand même des pires voyages dans l'Ouest dans les dernières années. Ah ouais. Hey, je pense que c'est la première fois qu'on gagnait à Chicago. Pas à Chicago, à LA. Depuis genre 8 ans. Là, on n'a pas gagné à San Jose depuis 17 ans. Ouais, depuis 99. Puis à Naïm non plus. C'est terrible. C'est sûr qu'on va être dit San Jose. San Jose. San Jose. On n'a pas gagné à San Jose. San Jose. Depuis 17 ans. Fait que le 26 novembre. On n'a pas gagné San Jose. Non. 26 novembre contre Détroit, une victoire de 2-1 en prolongation. Price dans les nets. C'était pas super. C'était pas super. Après ça, 29 novembre contre Anaheim, on a perdu 2-1 avec Price Dynet. Ça joue trop tard. Ça joue vraiment trop tard, ces games-là. Trop tard dans l'Ouest, trop tard. Dans l'Ouest, on peut pas vraiment commenter. Trop tard dans l'Ouest. Écoute la première période. Fuck that, trop tard dans l'Ouest. 2 décembre contre San Jose. Défaite de 2-1 encore une fois avec Price Dynet. Là, calme-toi le Jose. Jose. San Jose. San Jesus. Jose. Puis après ça, c'est là que ça devient intéressant. Le 4 décembre contre LA, une victoire de 5-4 en tir de barrage. Ça, c'est une bonne game. Ça, c'est une méchante bonne game. T'es sous l'heure du souper, ça le fait. Ouais, contre LA? Contre LA. Ça, c'est la game qu'on a perdu Galchenyuk. Ça, on va parler après. Price et Net, tir de barrage. Let's go. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite, dans le fond, la blessure. La perte de Galchenyuk. Je l'ai manqué. Tabarnak, t'es pas sérieux. On va pas revoir ça. Fait qu'allons voir ça ici. Galchenyuk est pas là. J'ai déjà de la peine, calice. Attends un peu, on va le voir, se ramasser sur le genou, genre. Il se fait. Non, ça avait l'air bidon, là. Ouais. Ok, je suis content que merde. C'est pour ça que je me. Ok, puis il se relève comme straight après, genre. Ouais, c'est la grosse adrénaline. Que ça soit comme. Ah, ok, sur le side. Hey, c'est-tu son genou qui s'était blessé dans le junior? Non, c'est l'autre. Ok, c'est déjà crissement moins pire. Ouais. Ça a l'air. Il y a deux genoux. Il y a deux genoux pétés. Mais il a mis du poids dessus, puis tout. Fait que c'est le MCL, pour le reste, pas l'ACL. C'est le. Oh, calme-toi, le docteur, là. Ah, l'ACL, mon gars, tu serais plus capable de marcher. Non, c'est comme Markov, la shot qu'il a fait. Ça reste que c'est un 6 à 8 semaines quand même, minimum. Là. Fait que, ouais. Ça va mal. On va parler en deuxième de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça là, après les audios. Il y a une autre vidéo, par exemple, pour se réjouir quand même de cette game-là. La fin de tir de barrage de Radu. Il fait la même feinte à chaque tir. Mais faut la voir quand même, puis on va la regarder. Il fait la même feinte, il était cœur. C'est ce qui est merveilleux. Check que ça allait. Check l'attitude. Check le frame rate qui marche pas avec la vidéo. Ah, c'est vrai. Boom! On va le revoir d'autant. Avec la casse bien levée comme il faut pour être sûr. Ah, il était cœur. Qu'est-ce qu'il met une visière, il se fait tout le temps. Boudaille. C'est dans cette game-là qui. Oh, mais en même temps, tu sais, c'est. Il n'y a vu que du feu. Un bout d'ail. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais il a. Quand même, goaler de la Ligue nationale. C'est un esti, là, tu sais. Oui, je te l'accorde. C'est un goaler de la Ligue nationale. Soft, mais il n'est pas dans le top 30. C'est une tasse de café. Parlant de Radu, l'avez-vous vu manger une banane sur le banc? Oui, c'est drôle, ça. Je l'adore. C'est ça, je l'aime. Il avait besoin de potassium. Ah ouais, il dépense, le seul gars qui dépense trop d'énergie, il faut qu'il se fasse des réserves. Mais des fois, tu vois des gars se boire une canne de coke ou des affaires de même au banc. Pas c'est rare. Non, mais c'est rare, mais ça arrive. J'ai déjà vu Chara se boire. Ça arrive des fois, des gars vont se déboire. Ils vont se dévisser une canne de coke, même, puis ils se mettent à boire ça. C'est bien du sucre. T'es en hippo, t'as besoin d'avoir un petit dose de sucre. C'est comme quand tu fais de la course, souvent, dans les longues courses, ils donnent une demi-banane à un moment donné parce que. Ouais, ça prend du potassium. C'est ça, c'est exactement ça. T'as besoin de piquer, hein, sûr. Ben, pas piquer. Un pic de sucre. T'as besoin de piquer en Souban. Ouais. Fait qu'après ça, on est allé jouer contre Saint-Louis, une défaite de 3-2 en prolongation avec Montoya dans les nets. Et c'est là que Desharnais était tellement content de remplacer Coquille au centre jusqu'à temps que Desharnais se blesse lui avec. On en perd un autre. Ça aussi, on l'a en vidéo parce qu'il fallait le mettre parce qu'il s'est blessé lui-même, Desharnais, je trouve. Là, ouais, il a plaqué genre. On va le mettre ici. Selon la presse, il est rentré en collision. Attention, je vois là. Il a rentré dans. Il a genre essayé de plaquer. Il a essayé de plaquer. Il était intense, il allait chercher le puck en esti. Il a plaqué à la bande. Il a quand même plaqué à la bande. Il a fait. Il est bien de jambon. Là, on va le voir dans les coins. Il a fait sa job. Il a pas fait sa job, tabarnak. C'est sa job d'aller ramasser le gars dans les coins. Ah, mais puis c'est mauvais contact. Mesure genre. Mauvais contact. Il fait 5 pieds combien? Non. 5 pieds 8 esti. Non, c'est genou à genou. C'est quand il est rentré, il a tapé son genou sur le genou. C'est quoi? Il fait 5 pieds 8 esti, puis il faut qu'il dessus. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Il y a 5 minutes, il faut qu'il aille dessus. Va. Qu'est-ce que t'es supposé le faire? Mais là, en plus, on va le voir. C'est ça. Dude, man. OK, ben quoi, il arrête de jouer? Il fait juste séparer, gars, c'est son genou. Ah, il s'est fait squeezer le genou par l'autre pas, en même temps. Pas, faut qu'il c'est un mauvais combat. Ah, mais il est supposé de faire quoi, là? Non, mais bon, Mister, man, c'est parce que, check, lui, tout, il snap le genou, là. Ah, il a fait ça comme un asti de jambon. Il essaie de le séparer de la puck. C'était un mauvais contact. Non, mais il a drivé le puck, là, Chris. Tu sais, je veux dire, il a été chercher le. Au moins, il est. Mais si au reste, il l'aurait pas fait. Non, mais oui, s'il aurait tourné, là, le coin, là, puis il aurait laissé comme bon Mister prendre le puck, man. Jeff, il fait juste boire et dire rien. Ta gueule, fucking hater, là. Mais en même temps, là, tu sais, genre, d'habitude, là, on aurait vu, genre, Arnais faire le même genre de move, puis il se serait ramassé deux fers en l'air. Oui, il aurait été correct. Mais il aurait il a pas tombé sur le cul, par exemple, ça, c'est son problème. Ouais, il avait séparé le gars de la POX, il aurait pas eu mal, il l'aurait sûrement eu. Excuse, mais dans le team, on sait qu'il y en a qui se rendent pas au coin même pour aller la chercher. Il est allé, là, quand il est allé, il aurait pu revirer, il en fait partie. Il est allé, non. Puis là, il a fait la job. Ouais, mais là, il a fait la job. Là, il l'a fait. Il fait tellement pas souvent qu'il a pas été sacrifié, ça a aucun rapport. C'est comme si il donnait un coup de poing avec le pouce dans la main. Non, OK, il a tourné, puis le joue, c'est pas un problème. Ça a aucun rapport avec cette technique. Il a démontré beaucoup de résilience. Moi, je l'ai. Mais c'est piquer des affaires, mais inutile. Ça vaut l'haï, mais ça, c'est ridicule. Je suis pas capable. Il l'haï parce qu'il met des bretelles. Tu l'haï pour l'haï rendu là. C'est je l'aime pas. Je l'aime pas comme acquis. Arrête. Non, j'aime pas ça. Tabarnak, j'aime pas ça. Arrête. Pas ça. Dernier. C'est une bonne chose qu'il soit blessé, Calis. Ben non, c'est vraiment pas bon qu'il soit blessé. Ben oui, c'est bon, ça, Chris. C'est non, parce que quelqu'un d'autre. On n'a pas personne d'autre. Oui, Philippe Dano, man. Oh, ben ouais, hey, t'as mieux Dano que dernier. Ah, 100 000 à l'heure, man. Le meilleur penseur du Canadien présentement qu'il y avait, là. Le meilleur penseur du Canadien, là. Quoi? Au centre, on s'entend? Ben, c'est pas Tano, Calis. C'est pas dernier, certain, ouais, là. Je parle. Après Gatchinuk, c'était lui. C'était dernier. Ouais, vraiment, ça fait mal de perdre. Pas cette année, pas cette année. C'est pas Dano, là. Haters gonna hate. Dano, c'est un joueur d'énergie, mais c'est pas un bon penseur. Arrête. Il peut pas jouer du game. C'est un joueur, on peut pas s'imaginer que dernier, c'est un grand joueur. Non, c'est pas. Ben non, c'est vrai, il est pas très grand. Il mesure 5 pieds 8. Là, faut pas non plus mettre dernier sur le gros piédestal, mais gars, le gars, il fait son possible. Mettons le piédestal, t'as comme première, deuxième, troisième place, ben tu le mets sur la troisième. Dernier? Ben oui. Ben, ouais, puis Dano, c'est à 4. Ben non. Ben mettons qu'il y a plus d'expérience. Chris Amané, il l'a remplacé cette troisième année parce que Dernier était à chier. Il a tourné où après? Ça a duré combien de temps? Il a tourné à l'aile parce qu'il faut tout ça jouer Chris Dépêche Dernier. Non, non, non. Ben non. Si ça marche, tu le gardes. Là, tu fais juste la haie pour la haie puis tu fais aucun sens. Non, mais c'est parce que t'es. Non, parce que d'un côté, t'es pas bien. Ça, là, ça affecte ton jugement. Ça fait quoi, mon là, tu parles même plus comme logiquement. Tu fais juste, il est pas moi, pas moi, ouais, mais c'est comme un peu quand on parle de Brad Marchand. On n'est pas capable de, reconnaître son talent, mais qu'est-ce que je suis pas capable de sentir. Ah, je suis pas capable de sentir. Je n'enlève pas, Ma comparaison fait aucun sens. C'est ça. Ah, moi, je l'ai. C'est un rat. C'est un rat. Il donne des coups à la tête, mais au moins, c'est sur plaqué. Il n'est pas si big que ça, man. Ah, il est. C'est un joueur qui est rat. Ah, c'est un joueur qui est rat. Il n'est pas si big que ça. Ben, voyons. Il y en a des bien pires que ça. Il y en a des moins pires aussi. Hey, ça, c'est un argumentaire solide. C'est ça. Fait que dernier match. Pas de son talent. Celui d'hier contre New Jersey, une victoire de 5-2. Price est net. Et Price qui donne des coups de biscuit. C'est un bon match. Ouais. C'était de l'énergie, c'était intense. Ben aimé Price. J'ai d'ailleurs Price qui. J'ai appelé mon clip Price Attack. Fait qu'on va le mettre. Price Attack. Il a bien fait de se défendre. T'as-tu pris celui-là qui scie du bois? Non, j'ai pas pris le gif. C'est ça, je devrais voir qui était à sa glace. Fait que c'est Panarin, c'est quoi son nom, c'est ça? Palmieri. C'est Palmieri qui rentre dedans. Ouais. Là, il essaie d'enlever. En place d'aider Price, il essaie de le tirer. Non, il tient là, il laisse. Il donnait des coups de biscuit. Ben, il tirait. Il tirait un peu, mais il le frappait dans les côtes, là. Mais là, moi, je veux savoir, selon vous, est-ce que Price a bien fait de faire ça? Est-ce que c'était trop? En fait, là, c'était pas si pire de Palmieri. C'est plus comme une écœur en titre. Ça faisait deux fois que ça arrivait. Il a bien fait en tabarnak de faire ça. Parce que Price, là, ça fait une couple de fois dans le game qu'il essaie d'y rentrer dedans. Puis là, je pense qu'il y avait son cut-off. Les deux fesses sont touchées. C'est rare, honnête. Il a bien fait en même temps, ça peut peut-être passer un message. Vous voulez me rentrer dedans à un moment donné? S'il y a personne qui me défend, moi, je vais me défendre. C'est pas ça, c'est tout. Il a passé le message à la Ligue. Après la rencontre, qu'il a dit, ouais, parce qu'il aurait pu être sorti du match, Price, pour on le voit là, dans la zone hauteur, vraiment à l'angle de qu'est-ce qui s'est passé. Il aurait pu être sorti du match. C'est un contact qui aurait pu être évité. S'il tape à la tête, Il a essayé, il aurait pu être expulsé. Il aurait pu prendre un 2 dates. Non, non, non. Non, le règlement 50.3 de la Ligue nationale stipule que si un gardien frappe avec un bloqueur à la tête comme là, il peut être expulsé du match. C'est ça. Ouais, il avait raison de le faire. J'ai vu un dude sur Twitter marqué genre, Price est out de son crease. Il est sorti de son crease quand après, il était out, mais il n'est pas out de son crease. Avant, tu voyais jamais un gars de la radio anglophone. Jamais, un imbécile. Pour vrai? Tony Marinaro. CJD. Non, c'est un gars de TSN. Non, mais de toute façon, un goaler, il n'y a personne qui rentre dedans. Ça, c'est un style loi non écrite. Il n'y a personne qui touche un goalie. S'il n'y a personne qui est capable de faire la job, le goaler, s'il peut faire la job lui-même. Non, mais le problème, c'est que dans la ligue, tout le monde rentre un goaler tout le temps. C'est mec qui a des buts. C'est plus une loi non écrite, c'est ça, la game. Quand tu fonces vers le net, tu ralentis plus. Mm-hmm. Puis là, après ça, le Canadien a commencé à faire la même affaire avec Schneider. Mais Gallagher, il a toujours fait ça. Puis nous autres, c'est grec. C'est vous comment Gallagher souvent touche au gardien adverse? En tabarnak. Ah ouais, c'est sûr. Mais il fonce pas nécessairement. Plus que d'autres. Mais c'est vrai que Price. Moi, ce que j'aime pas, c'est un joueur qui fonce sur le goaler puis qui ralentit pas. Tu sais, Non, c'est le gars qui fonce sur le goaler. Puis qu'ils décident de se laisser coucher à terre puis foncer deux pieds dans les pattes. C'est terrible en tabarnak. Éliminer tout contact avec les goalers. C'est ça que ça paraît comme un règlement. Ils l'ont déjà essayé. Qui protège les quarterbacks. Donne-moi le numéro du règlement, s'il te plaît. Ah, non, ça en prend un. Donne-moi le numéro. Ouais, je sais pas, moi. Le 50 quoi? On va l'appeler 50.6. OK. C'est pas le même de tantôt. Tout contact avec gardien. Entraîneur, une expulsion du ouais, match. Mais c'est parce que là, l'affaire, là, c'est que ça devient une affaire d'arbitre après ça. Puis l'arbitre va falloir qu'il juge, genre, y a-tu vraiment eu un contact? Mais ça peut changer ce que tu veux. Tu sais, genre, c'est comme les Hawking, là. Ils callent pas tout le temps. Il y en a encore un, il n'en call pas. Là, le ref. Là, il y a un problème. Il y a beaucoup de goalers qui se font blesser. Puis il y a beaucoup de contact avec les gardiens. Je suis conscient. Maintenant, c'est ça. C'est, hey, on met un gun avant 19, on crash. C'est ça la tactique du jeu. On crash le net. Puis surtout contre nous autres. Parce qu'avec Price, c'est même foutu score. Crash le net. Lui, il mange des coups à chaque fois. Ouais, mais il y a une différence entre être des gars qui sont pactés en avant du goaler, qui essaient de voir la vue, tout ça, charger le net. Le tir, il vient de la pointe. Il est en avant du net. Je comprends. Là, il est là, puis il touche pas. Le tir, il vient. Okay? Mais après ça, quand il y a un scrum, ben, il veut pas goaler. Il en mange des coups de bâton. Ouais, mais lui, il arrivait comme en breakaway. Il y a ce contact-là. Il faut aussi le contact. Il faut que tu élimines. C'est surtout les contacts en breakaway. C'est le monde qui fonce dans le. Souvent, quand ils font ça, quand ils foncent devant le goaler, ils veulent, genre, mettons, ils se font poursuivre par le défenseur. Ils se font poursuivre par le défenseur, puis ils veulent couper. Fait qu'ils sont super penchés. Fait que le défenseur fait juste comme à peine l'accrocher, puis les patins partent. Ouais, parce que sa séquence, il faut du check. Puis Draymond, il pousse. Il pousse pas tant. C'est la manière que ça prend. Mary pourrait arrêter. Il aurait pu pas foncer dans le goal 1. Il aurait pu arrêter. Ils jamais ça. Couper de l'autre ça, c'est comme finir une mise en échec. Mais c'est ça. Mais il faut changer cette mentalité-là. Fait que là, les gars, on va faire notre tour de table pour les plus et les moins. Ça arrivera pas, mais c'est meilleur. Je suis d'accord avec tous les goalers. Je veux pas qu'ils foncent dedans. Deux semaines. Vas-y, Alex, avec ton plus. Mon plus, c'est Radou. Radou! Ah, tout de suite. Radou. Ce gars-là, je l'adore. Radou. C'est à chaque fois qu'il est sur la glace, il y a quelque chose de hot qui se passe. Il travaille tout le temps. Même, ouais. À chaque fois qu'il embarque sur la glace, tu vois, oh, Radou Love est là. C'est attendre ici. Jeff, ton plus? Andrew Shaw. On voit le vrai Andrew Shaw maintenant. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, c'est ça. Mais c'est comment t'as dit ça? Andrew Shaw. Ouais. Fait que c'est juste ça. On c'est voit Alexander. Le vrai Andrew Shaw. Ben non, mais c'est parce que j'aime ça. Il dérange l'adversaire. Il score des buts. Puis il est bon défensivement en plus. Ouais, ça a l'air peut-être qu'il pourrait jouer au centre une fois de temps en temps pour pallier la perte. Ben fier de. On voit bien que ça vaut une belle acquisition. Excellent. Belle acquisition. Des pertes urinaires. Il y a des pertes d'un bobette. Ouais. Marc, ton plus des deux dernières semaines. Ben moi, je le donne à Price. Le coup de biscuit, j'ai bien aimé ça. T'es pas supposé, mais on peut te le laisser parce que Price est comme tout le temps numéro 1. Il a jamais été nommé une fois, par exemple. On ne le nomme pas souvent depuis cette année. On l'a nommé au début, mais on a arrêté après. Ah, je donne à Price parce qu'il y a une fiche de 12-1. Puis là, on a la meilleure fiche en maison. Pas de bon sens. C'est arrivé 5 fois, je pense, en carrière du Canadien qu'on a cette fiche-là. Parce que c'est tout grâce à lui son dessous. C'est un bon plus. Un excellent plus. Dave. Hey, je pense. Honnêtement, je le donnerais à Radulov, mais là, vu que genre je veux pas nommer le même gars, je pense que je vais le donner à Byron. Byron, il est pas tout le temps bon. Asti qui skate, ce gars-là. Puis j'aime le voir aller, man. Quand il touche à la rondelle, là. Lui, tu sais, Radulov, tu sais qu'il va faire de quoi, mais quand quand Byron, part zone. Quand Byron part avec la rondelle, il peut partir même de la zone défensive puis il va se rendre jusqu'au bout. Ben, je pense à des patineurs plus rapides. Ah, il y a du speed. Je disais, j'aimerais ça voir All-Star dans un concours de patineurs plus rapides. Il ira pas, mais c'est ça d'avoir son chrono. C'est un gars torché de gang, il est trop rapide, ce gars-là. Montréal, ouais, mais je veux dire contre les meilleurs de la ligue. Ouais, d'après moi, il serait. D'après moi, il serait. Contre les meilleurs de la ligue, pas contre les gars du Canadien. Ouais, pas contre Marcos. Non, mais le but, c'est de le timer. Ouais, Marcos, c'est notre plus vite. Ouais, fait, je vois, ouais, à cause que tu. Ben, sinon, ça serait Radulov, moi et tout. Mais Byron, j'aime le voir aller. Je trouve que. Je sais pas, c'est un bon patch, ce gars-là. Radulov, il casse le stéréotype du Russe qui travaille une game sur cinq. En tout cas, le Canadien. Ça. Ouais, mais là, il s'est fait critiquer pas mal de pas travailler sa route, là, puis pas de scorer sa route. Là, ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, arrête. Même là, à chaque fois qu'il touchait à Puck dans l'Ouest, il faisait quelque chose. Il provoque des choses. Non, non, je sais, mais ça ressortit quand même. Il fait des belles poses. Moi, j'ai vraiment pas le goût, genre, de taper sur Radulov. Ah, non, non, c'est pas. Personne veut taper sur Radulov à part les chiens. Ben, je l'aurais donné à Radu, mais il m'a donné à Emlyn. Parce qu'il n'a pas ralenti, je trouve, depuis le début. Puis c'est rare que Emlyn est bon de même. Il fait un job. Il est encore pair avec Weber. Puis il fait un job. En tout cas, il est plus solide que Beaulieu, je pense. Beaulieu a bien joué hier. Il a l'air dégonflé. On va dire ça jusqu'à sa prochaine gaffe. Là. C'est ça. Mais hier, il a joué une bonne game. Qui est en dents. Hier, il a été carré. Demain, il va faire sa gaffe. Moi, j'ai ri en tabarnak hier. JF, il marque dans le chat. Lekkonen, il est pas prêt. Ouais. Deux minutes après, même pas, il score un but. Man. Ah, il s'est ça après. Je l'ai trouvé pas pire. Je niaisais aussi. Je disais pas qu'il était pas prêt pour vrai. Il niaisait moins. Ouais. Il venait de faire un esti de beau jeu. Je comment il est pas prêt. Il était prêt en crise pour vrai. Puis, ah, ben, je pense il n'a pas dit ça. Man. C'est sa deuxième game d'épisode. J'ai jamais dit qu'il était pas prêt. J'étais chez Arcade Montréal. J'étais un peu chaud. C'est juste ça la raison. Il y a genre quoi là. Attends un peu, je vais aller voir. Pendant ce temps-là, on va commencer. 3 buts. Il y a genre 5 points en genre 18 games. Il y a combien de buts? Ouais, mais il a blessé un bout et tout. Il y a 4 buts. Ok, il a manqué 12 games. Non, mais il est correct. Il est correct. Ouais, mais tu sais, c'est pas un gars de deuxième trio. Ouais, mais André puis. C'est pas pour aller dans la Ligue nationale. Non, mais André puis André Gatto. Ah, ben là, les connaît, ça sent, c'est sûr. C'est lui avant André Gatto. Il a bien joué, André Gatto. Mais les connaît, il a déjà joué au centre aussi en Europe. Il arrive là au chinois avec ça, calice. Mais non, mais tabarnak. À un moment donné, quand comme Radulov, mais je joue au centre d'un Ketchum. Michel disait on fait pas ça, c'est sûr, j'ai parlé, il oublie ça, le calice. Bah, tout le monde dit on peut mettre n'importe qui au centre, pas dernier. Mais non, tu mets des joueurs qui ont déjà joué au centre au centre. Ouais, j'ai déjà joué au centre. Hey, coach, j'ai joué au centre, novice, pris 4-5 mises au jeu. Tu peux y aller. T'as joué contre Théo, toi. Vas-y au centre. Ouais, c'est ça. Pourquoi il met pas Muller sur la glace, en cassant 50 ans, c'est bon, les mises au jeu. Ouais, solide Muller. On rappelle Carbo. Non, tu mets Muller, mise au jeu, retourne sur le banc. Oui. Fait que Alex, ton moins pour la période. C'est vrai, Jean-Marc Parent, là. C'est lui qui avait dit, c'est pas moi. C'est malade, je vais imiter. On t'a un peu, je vais chercher une bière, moi. Hey, non, toi, t'attends ici. Il reste 2 minutes, il reste 2 minutes 30 à la période. Ouais. On fait nos. 2 minutes et demie. Capable de taffer, là. Bon, moins, c'est ton... la style merde. T'es qui ton esti de moins, là? Ah, c'est même que tout le temps. Blecky. Ben oui. Again. Ben oui. No. Again. Il va faire 55 points, mais c'est qui de la merde. Il n'a pas l'air parti pour ça. Il toi avec ton 55 points. Ça vient, là. Il n'y a plus personne. Il est sur le premier trio. Ouais. Dernier, on va plus de il points. C'est là mon window. Il joue avec Radulov. C'est là mon window. Il va avoir de la part. Il n'a pas longtemps, là. Ben pour de vrai. Ouais, ouais. C'est la seule chance. Ça se réchauffe un peu. Il y a peut-être une petite bûche dans le foyer, mais. Ouais, pour de vrai, il est mieux qu'au début de saison. Il y a une petite bûche dans le foyer, mais. Moi, je commence à l'aimer. Depuis deux semaines. C'est sûr qu'à part les deux dans la game... Ouais, je pense que la bûche qu'il a pognée, c'est les bûches d'allumage là, que tu colissais, là, genre en genre de carton ouais, mâché. Elle est pognée sur le papier. Bûche écologique. Elle est pognée sur le papier, mais pas rendue au ça brûle slow en colisse, puis ça fait pas bébé de flamme. Mais y a non, lui, ça fait pas de chaleur non plus. Ça fait juste, c'est de l'ambiance. Ouais, lui, je vais lui donner, puis... JF, ton moins? Gallagher, c'est-tu. Ah, c'est-tu, tu viens de me voler mon moins. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Gallagher cette année. Y a-tu détendu sur les vétérans ou plutôt le contraire, les vétérans ont détendu sur lui? Il est pas là, content, que... il joue sa troisième ligne, le monsieur, je pense. Ben, c'est sûr parce qu'il mérite pas du temps de glace sur le top 6. Puis depuis qu'il a joué avec Plekanec et Pacioretty, écoute, il y a rien. Ah, mais c'est sûr, c'est fait. Il y a même pas de but en 18 games, je pense. Non, non, il y a un but, il y a un but. Quand il a scoré? Il a compté. C'est quand il a compté? Il a compté dans l'Ouest. Ouais, mais il n'y a pas le Puck. Il joue avec Plekky, Calis. Il ne joue plus avec Plekky, là. Non, là, il ne joue plus, mais c'est très récent, là. Là, il joue avec quoi? Ah ouais. Hier, il était avec qui? Carl, ouais. Shaw, avec Mitchell. Comment tu veux te commettre? OK. lui, là, il va pas chercher le puck réellement à fond de territoire. Là. Il me semble d'habitude. Là, il est juste, plus comme sur Bordinette. Bah ouais, c'est lui attend le puck, mais il y a personne qui va le chercher pour lui. Ah non, d'habitude, c'est tout le temps lui qui fonce dans le tas, mais là, il oui, oui, mais il va se coller au net. Après ça, il attend d'avoir un rebound, man. Il peut pas avoir de rebound, il y a personne qui tire au net. Non, mais et tout, ce gars-là, depuis qu'il est dans la ligue, il a jamais eu un down. Ce serait peut-être sa première séquence. C'est sa première séquence qui est mauvaise. Mais, ouais, mais, mauvais, mais qui joue, venir, il joue avec deux gars qui ont la tête c'est pas important cul, ça mais, moi ça là je crois pas à ça mané, pas c'est faire le job tout seul c'est tatoué de faire non, mais chances c'est, ouais, mais c'est un trio c'est tabarnak monde, c'est pas un one temps. Man show man il, est ben, beau. Oui, il joue oui. Avec deux avec deux arrêtez avec de vous assiner sur le moins à GF il y a une partie qui est un one man show le pire c'est qu'ils sont d'accord avec moi c'est ça le pire c'est qui ton moins mon moins ouais mais il est pas nommé encore c'est Gallagher. Je sais même pas mon moins là moi je vais dire mon moins c'est ça, mon moins. C'est la fin de la période. C'est la fin de la période. Ah, mon moins, c'est Plekanec. C'est sûr, gars. Il n'est pas capable de faire fournir personne, Chris. Ouais. Il est mort. Hostie, là, c'est fini. Là. Ben, moi, mon on moins, dirait que c'est fait tirer mon une moins, balle. C'est à contre-cœur Gallagher. Puis ben. Pour un peu les mêmes raisons qui ont été mentionnées, c'est que, tu sais, oui, je suis d'accord, il faut qu'il se démerde lui-même puis qu'il sorte de la merde, mais c'est vrai qu'il n'a pas été pairé avec du monde qui l'ont aidé non plus. Hey, sacrement. Tout le monde meurt mais c'est, à côté ça, des je dis, c'est un moins comme à contre-cœur, mais honnêtement, Gallagher, je suis comme déçu de le voir comme pas performer de même parce que c'est un joueur il est que plus j'aime en avant vraiment du gros. Il est plus en avant du net. Mais il joue mais pas sa... tout le monde, j'ai l'impression qu'il joue pas sa game parce non, que... Non, il pense qu'il faut qu'il remonte les deux autres parce que c'est ben, lui meilleur exactement. Que ouais, mais comment il joue pas sa game? Là, il joue pas sa game parce qu'il peut pas la jouer sa game parce qu'il y a rien pour l'aider. C'est pas un playmaker, c'est pas un scoreur en tant que tel. Lui, il score collé sur le net. C'est un grinder, oui, OK. Mais c'est un genre de grinder un peu plus comme Deluxe, là. Parce que lui, là, il est planté. Il peut compter, là. Il est planté en avant du net. Il pogne les rebounds. Il mange des coups. Il attend là, puis il est là. Il y a personne qui est capable de le coller. Je suis d'accord que le trio, là, il sait plus au net. Il perd tout le temps à pas. Non, mais ça se promène même pas. Si ça circule à peine. Il y a personne qui va chercher la calisse de puck d'un coin. Juste sur le powerplay? Gallagher, je pense qu'il joue peu sur le powerplay. Ben, ouais. Ben là, il a dû perdre ses minutes en esti. Ah, c'est sûr. Peut-être c'est la deuxième vague. Ou bon, Black Adek, il joue encore. Chat, hein? Ça n'a pas aller. Le choix. Toi? Chat. Ben, pas chat de Plecky, je pense. Hein. Plecky, bah, c'est garde. C'était comme. Je vais le trade. Je vais le donner à Patio pour avoir joué avec une micro-fracture. Si t'es blessé, reste chez vous, calice. Je le donne à. Pas d'excuse. Si je le donne à l'armée du salut, man. Mais non, c'est sorti hier ou aujourd'hui, je pense. Sir, la, l'affaire de Patrick Reddy. Patrick Reddy avait une micro-fracture. Encore Salve une fois, la micro-fracture au pied. Mais par contre, il a produit quand même. Mais là, il commence à produire cette semaine. Qui s'excuse, Patio. Patio, ouais. Ben oui, Chris t'attends. Mais Calvary. Si c'était blessé au pied, ben, je joue mieux, pas. Tant mieux, hier, on va espérer qu'il va avoir un bon deuxième au bout de saison. Il a dit qu'il va finir avec le même total de points. Il a dit qu'il y avait une micro-fracture au pied au mois de novembre. On va en avoir besoin de ces points-là à la fin de la saison. Surtout là. Pour de vrai, il va remonter. Il va compter les buts qu'on aurait eu besoin de Galchenyuk. Je dirais pas dernier. Parce il n'y a pas dernier, de passeur avec lui. Comment tu veux qu'il se casse les buts? Radu est passeur. Oui, là, oui. Là, ils jouent ensemble. Ça, donne avant, peut-être ça va l'aider. Tu sais, t'as bon avec Eric Cole, hein, Pacho. Fait que, tu sais, puis Radu, c'est un power forward. Je veux pas, puis il va dans le fond de la zone. Puis tout, ça pourrait vraiment aider Pacho. Tu sais, quand tu joues avec Radu, t'as comme pas le choix. T'as comme pas le choix. Faut que tu brises ça, ce beau petit duo-là. De quoi? Radu quand Galchenyuk va revenir. Radu puis Patio? Ah, c'est sûr. Ben, c'est pas grave. Ben tu ramènes Galchenyuk. Tu peux pas. Tu peux pas si Galchenyuk revient, tu remets ça avec Radu. J'ai pensé à de quoi? Ben oui, mais tu gardes Patio avec eux autres. Ça venait avec Plecky pendant la première partie. Ah, Plecky, ben oui. En même temps, veux-tu tout mettre nos œufs dans le même panier? Oui, tu veux une first line qui kick des culs. Tu veux une combinaison, tu veux des gars qui marchent. Ben moi, je serais pour ça si on perd à partir du milieu de la deuxième période, tu mets ce trio-là. Mais avant ça, tu serais pas obligé. Regarde, on verra bien, là, je te dis qu'on a un des trios qui marche le plus. À l'étranger, ça marche pas, ça, cette technique. On en reparlera en deuxième. Galchenyuk puis Radu. On en parle en deuxième. On en parle en deuxième. Ouais, mais je veux juste le dire, je vais dire pareil. Galchenyuk puis Radu, ensemble, ce duo-là, ça fait gadou. C'est excellent, gars. On va avoir une attaque pour la deuxième période. Gadou. On est de retour pour la deuxième période. Et que ça roule! Flip tes buggers, mec, ça va cramer! Juste une pop sheep! Fait qu'on va être dans la section des extraits audio. On n'a pas tant que ça cette semaine. On s'est comme calmé ces extraits de 2 minutes. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ouais. Ah, si, j'aime ça. J'ai fait de l'édition. Fait que, on va être sur le bon soundboard, premièrement. Premier extrait, c'est... bon, c'est pas un son de rétro nouveau. Là. Non, faudrait pas que j'aille sur le mauvais board. fait que c'est des extraits de Michel Therrien. Premier commentaire, c'est après le match contre les Kings. Il parle que son team a joué avec énergie. On écoute le bon Michel respirer fort. Écoutez, écoutez cet extrait-là, juste le début, OK? Ah, c'est sûr cool. Que c'était... Et voilà, c'est le petit son! Écoutez! Ah, c'est sûr que c'était... Puis si je le fais vraiment beaucoup, je peux... Ça, c'est quelqu'un qui fume! C'est sûr que c'était... C'est pas Michel qui fait ça. Ben, c'est en arrière, quelqu'un qui cille vraiment fort. Ah, c'est quelqu'un qui rit, là. Okay. On va écouter ça pour vrai, là. Ah, c'est sûr. On dirait quelqu'un qui est mort, comme un cochon. On a beaucoup de ténacité. T'sais, on est revenu de l'arrière, mais on a pris les devants en allemand, je pense, après ça, mais on est revenu de l'arrière, je pense, trois fois. Donc, c'est un match où que les gars ont travaillé avec beaucoup d'acharnement encore. À quel point ça doit les soulager, justement, d'avoir. Oui, c'est vraiment c'est bon de leur confiance d'un. Puis depuis le voyage, on fait beaucoup de bonnes choses. Le voyage. Et à l'occasion, on aurait peut-être mérité un meilleur sort, mais on ne pouvait jamais douter de l'éthique de travail. Puis encore ce soir, les gars ont joué avec beaucoup d'énergie. Ah, ils sont venus de l'arnière. L'arnière. Le voyage. Hey, remets le cochon qui se fait étriper au début. Là. C'est sûr. Il étrangle des brebis, est-ce-tu, dans le fond de la salle. Dans le vestiaire, il faut sacrifier. En direction de la Mecque, est-ce-tu. Je vais vous le remixer pour le temps des fêtes. Là. Vous pouvez jouer ça dans vos parties. Ouais, on fait une toune. On fait une toune avec tous nos extraits. C'est écœurant, ça. Après la ça, job, Jeff. Ouais, j'ai du temps en masse pour faire ça. Ben oui. Fait qu'après ça, le bon Michel nous a parlé de l'excellent trio Pacho, Chucky et Radu, qui n'a pas duré très longtemps, malheureusement, à cause de Chucky. Ouais. Mais voici faut. Ce qu'il avait à dire. Ouais, c'est ça, faut. Mais ils ont été productifs, c'est ça. Quand tu mets des joueurs dans une position comme ça, tu veux qu'ils soient productifs. Et définitivement, ils l'ont été ce soir. Que ça allait bien pour Galchenyuk aussi. Oui, ça allait bien ce trio-là, mais tu regardes la productivité. Le Pacioretty et Radulov ont été très productifs ce soir. Productifs, ils sont positifs. Fait que finalement, ils sont positifs. Il dit ben trop le mot productif six fois. Michel, mais tu achètes une voyelle. On a ping, on va mettre un compteur en vidéo bientôt. Tabarnak. Ça va vite, des extraits. Troisième extrait, Desharnais sur le Power Play. Ça non plus, ça n'a pas duré longtemps. On va l'écouter. Oui, écoute, c'est une chose pour nous qui un gars comme David est capable de bien alimenter ses alliés, donc c'est une de ses forces. Il faut qu'il soit rapide. Mais je trouve que David joue du hockey, très inspiré de Rennes, il joue bien, il est très rapide. Il prend la bonne décision avec la rondelle. Donc on va tenter cette expérience-là. Voir comment que ça va aller sur le jeu de puissance. Après ça, on prendra les décisions éventuellement. C'est le match qui peut. Il y a un petit bout de question. C'est quoi? C'est du hockey? C'est comme un mélange de bon hockey ensemble? Là, du bar hockey. Le bar hockey. C'est moyen. C'est le dire vite. C'est du bar hockey. Tu joues du bar hockey, toi? Tu joues du bar hockey. J'aime bien ça. Fait qu'après ça, malheureusement, Chucky s'est blessé. Et là, Michel a commenté la blessure de Galchenyuk. Fait qu'on écoute ça aussi. Ben c'est sûr que c'est une lourde perte. On ne le cachera pas. Là. Chucky, c'est des très bonnes habiletés pour marquer des buts. Et il y avait une très belle complicité aussi avec Radulov. On a aimé la courte période de temps qu'on a mis Pacioretty avec eux autres. Bon, c'est une expérience qui s'est avérée pas trop longtemps vu le facteur qu'on peut contrôler. Mais je suis encore très confiant de notre équipe, la manière, la structure qu'on se doit de jouer. Il n'y a rien qui va changer. Mais c'est sûr que n'importe quelle équipe qui perd son centre numéro un peut être affectée un peu de ça. Mais par contre, il va falloir se resserrer et s'assurer qu'on continue à avoir du succès. Être bien serré, bien serré. J'ai tellement pas écouté cet extrait-là, man. Ouais, c'est quoi, tu ris? Moi, je suis écrit à GF, genre, qui est en remote, genre, ma tête suit pas mon corps. Là. Ouais, c'est parce que moi, je suis sur mon laptop, je suis en remote sur mon PC, fait qu'il y a comme un délai, fait que celui-là, le vidéo est comme coupé en deux de Dave. Bon. Mais c'est ça, là, faut que tu checkes sa télé. Si lui, correct, on est correct. Non, mais je check, mais je veux pas checker le vidéo, c'est juste que je check par là, parce que, genre, vous êtes tous par là. Les excuses. Bon, Martin. Fait que suite à la blessure de Chucky, ben, y a le petit Desharnais qui allait remplacer Chucky. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, comme on l'a dit tantôt. Mais il y a Desharnais qui a parlé. Fait qu'on a un extrait de Desharnais spécialement aujourd'hui. Je suis rendu là. Desharnais, ouais. Fait que, juste pour être sûr que je fuck pas mon pacing. Desharnais qui commente sur le fait qu'il va jouer avec Pacho et Radu. Ça va être le fun. Ça va être juste à regarder Radu Love jouer présentement. Et, c'est un gars qui est capable de faire des jeux aussi. Max, c'est un gars qui a hâte de lancer la rondelle, donc ça va être intéressant. J'ai deux très bons joueurs avec moi, puis c'est sur l'avantage numérique. Et, on verra ce soir si on se rend ensemble. Juste d'en parler, t'as l'air d'avoir du spot. Non, c'est sûr. Ça serait super le fun de pouvoir jouer avec ces deux gars-là, c'est sûr. Mais c'est un beau challenge pour toi, c'est un beau défi. Ouais. J'ai déjà été dans cette situation-là, mais c'est une question d'opportunité dans une carrière, puis il faut que je l'apprenne. C'est sûrement Chantal qui riait, quelqu'un qui est monté. Il est comme trop heureux dans l'extrait vidéo, puis il est vraiment content. Ouais. Je suis content. Oh, je comprends, mais ce qui arrive dans l'extrait, là, c'est. Il a dit. Oh, je suis content. Je suis content, puis je suis content d'en parler aussi. C'est ça, sur le powerplay, il joue avec Gradulov, Pacioretty, mais pas ses trios normales. Fait que lui, il espérait jouer avec eux autres. Fait que là, il s'est comme avancé pour dire j'aimerais ça jouer avec eux autres. Fait que le monde. Là, il a dit. Chris, c'est ça, Sty. Il a pas dit à Michel. Hey, Michel, j'aimerais ça jouer avec eux autres. Non, mais il posait la question. Il en parlait comme quoi qu'il souhaitait. Juste avant, ce que Terry a dit, c'est on le met sur le powerplay, puis on regarde comment ça va. Puis ça va bien, on le met dans le trio. On va voir son genre ensemble. C'est ça, parce qu'il souhaitait. Mais il a le droit de souhaiter. Tous les joueurs souhaitent de jouer avec deux bons c'est joueurs. Ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a ri de lui. Normal. Fait qu'après ça, on il n'y a pas de lui. Mais il n'y a pas de lui, c'est une conversation. Il a trouvé ça cute, est-ce que non, man. On va le mettre dans le coin de JF. Dans le fond, tout ce que t'arrêtes de dire, c'est que Chantal en a rien. J'ai même lu l'article là-dessus. Non, c'est Arnaud lui-même qui rit. Il a une grosse sourire d'en face. Il m'a dit, il m'a peut-être joué avec Radu. Ah, finalement, non, je suis blessé. Ben justement, il se blesse, puis Terrien a commenté la blessure de Desharnais dans le match contre Saint-Louis. Fait que j'ai les commentaires de Terrien là-dessus. Ça l'a un peu chambardé, un peu la porte de David. Ça l'a chambardé, comme vous avez été en mesure de le constater, les trios. Donc, encore une fois, on se retrouve avec trois joueurs de centre. Merci, Michel. Ah, ça a chambardé. Ça a chambardé. Fait que c'est le tour de mes extraits, messieurs, puis il reste quand même beaucoup de temps. Bon, 13-12 minutes et demie, puis c'est parfait parce que je veux savoir justement. Parlons-en. Discussion, c'est rare qu'on le fait, la discussion. On fait quoi avec nos blessés? Non, on fait quoi pour pallier la situation? Là, what's your solution? On vient de perdre Desharnais, on vient de perdre Chucky, on vient de perdre Patterson. Vas-y, désolé. Faire un mallette update, là. Mm-hmm. T'as dit que t'avais ta solution. Vas-y. Je l'ai pas écouté parce que. Ça dure tout à 15 minutes. Mais à la fin, c'était mon souhait plus que d'autres choses, mais c'est pas ça que. Fait que mallette, t'as des bottes de Bergevin, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton souhait? Présentement, ce que je fais, c'est que je garde l'équipe intacte, puis je vais demander à mon coach de changer son style de jeu. Moi, c'est ça que j'y fais. Ben voyons donc, tu peux pas demander à Terry de changer son style de jeu. Il y a pas de chance de jeter. Il y a un directeur général. Non, le coach, l'a engagé parce qu'il sait quoi faire avec ses gars. Ben c'est ça. T'as pas d'affaires là-dedans. Tu me demandes ce que moi je dirais. Moi, j'embarque dans le jeu de rôle, puis je dirais ça. Mais Terry, il serait plus GM. Terry n'est pas capable de se battre. Chris, esti, quand tu perds deux joueurs offensifs, demain, tu changes ton style de jeu. Tu es arrivé, salut Michel. Je t'ai engagé parce que Michel, il sait qu'il l'a à faire. Là. C'est ça qu'il va faire. Mais fait que t'es pas obligé de dire. Mais non, j'ai pas besoin de dire. Pour moi, c'est DG. Quoi tu fais d'abord? Tu vas les dire, changer moi, son si style. Moi, si je suis DG, je vais laisser les choses aller pour voir. Je sais que c'est DG. Fait que ton commentaire, c'est si t'es DG, tu fais rien. Dans le fond, tu laisses ça aller puis tu laisses Michel gérer son équipe. Ouais. Exactement. Tu t'espères juste. Dans le fond, tu peux pas dérailler de ton plan parce que si tu fais un move, ça panique. Tu vas payer trop cher. Puis présentement, il n'y en a pas de joueurs disponibles. Il y en a fuck all des joueurs de centre. Tu vas payer le gros prix pour Ryan Jonan Hopkins, là? Pour une fois, je vais dire, Ryan je suis tout à fait d'accord avec Mallette. Mais c'est ça, Chris. tu fais confiance à ce que tu as à la place, puis Terrien va changer son style de jeu. Là. Il ça changera va être plus pas défensif. Son style c'est de ça, j'ai hâte de non, voir. Non, mais ils vont jouer ouais, mais... beaucoup plus défensif. C'est beaucoup plus serré. Là, on va avoir des games de 2-1 là, qui vont se faire dans les 20 prochaines games. Le pire, c'est que le Canadien, depuis que les joueurs se blessent, ils ont recommencé à scorer. Ouais, mais attends, le game. Quand Price s'est blessé l'année passée, les trois premiers games, on les a gagnés. Ouais, mais Mallette, admettons. Ce sera pas si bien, finalement. OK. On okay, a gagné disons, 19 là, après dans tout le reste de la saison aussi. Ouais, j'ai fini. Bon. Fait que c'est dans le fond là, tu peux quand même checker pour un trade suite. Anyway, ça va pas de trade suite Martin. Il y a rien. Arrête, ce que je te dis là c'est pas tant de l'idée de faire un trade, OK, parce que tu veux en faire un éventuellement parce que cette année Montréal c'est ceux qui visent comme la coupe. Oh, mais il y aura pas de c'est trade. C'est pour ça ben tu si y a va avoir un si un trade ça va être à date limite. C'est quand la dernière fois que parce qu'on a pas tu sais pas man. C'est quand la dernière fois qu'il y a un trade d'un top 6 dans la Ligue nationale? Pendant la saison, pas saison morte. Pas... C'est quand la dernière fois que top 6 c'était Johansson contre Seth Jones. Non, ça c'est pas dans la saison. Ben oui, c'est pas dans la saison. Come on, wake up, my friend. Ouais, mais Seth Jones. Non, mais c'est pas un top 6, Johansson. Mais oui, Chris, c'est le premier centre. Eh oui, si, man, c'est le premier centre. Calisse, Alex, tabarnak! Ouais. Ah, il a échangé Seth Jones. Lâche tes pros 7, esti. Ça nous prend un centre. Lâche les pros 7. Numéro 1. Des bacs du Percodan. Ouais, mais Ryan Johansson, présentement, c'est un centre numéro 1 à Nashville. Sinon, pour répondre à ta question, il joue sur le top 6 à Nashville. Viens pas me dire, esti, que Johansson, c'est un gars de 3e trio. C'est l'année passée. C'est l'année passée. C'était en quelle année? 1983. À part de ça. Non, mais ça peut arriver. C'est pas un gros, mais tu m'as dit, c'est quand la dernière fois? J'ai répondu à ta question. C'est pas que ça va arriver. Je te dis, c'est vrai que ça arrive. Mais c'est vrai que ça arrive. Il y en a pas. C'est rare. Mais c'est vrai, Alex, c'est vrai que ça arrive pas souvent, mais tu veux jamais fermer la porte. Non, mais tu veux pas fermer la porte parce que... Mais la porte n'est pas ouverte parce que toutes les autres équipes savent que t'as besoin d'un centre. Fait qu'est-ce qu'on t'a fait, c'est la marque. Okay, ouais, ils vont demander si t'es, plus. Si t'es Bergevin, il y a une affaire qui est sûre. Si t'es Bergevin, une affaire qui est sûre, c'est que tu fais pas un move, ça panique. Si tu fais un move, ça panique. Non, non, mais Bergevin, il arrêtera pas de magasiner parce que ses joueurs sont blessés. Non, il fait son plan. Il écoute. Il va dire j'écoute. Il va dire j'écoute comme il a écouté pour Souban. Puis il disait qu'il ne changerait jamais. Non, non, mais on va se débrouiller avec ce qu'on a présentement. Ça n'empêche pas que ce gars-là, il cherche quand même un joueur. Toi, est-ce que tu as un joueur à ton top 6? C'est sûr. Avec Plekanec, on a des harnais. Je veux dire, ta ligne de centre, tout ça, veux pas, t'as pas le choix. Et t'as chié. Le seul joueur de top 6 qu'on a réussi à rajouter cette année, c'est Radulov. Puis on l'a même pas eu avec un échange au Real. T'as allé chercher un joueur autonome. Puis il va coûter cher en tabarnak. Puis dans toutes les autres équipes, c'est tout à des agents libres ou quoi que ce soit. Avec Bryce en santé cette année, il n'y a pas eu d'échange. Je le sais, Alex. Mais ça peut arriver. On a un gars comme Beaulieu qui marche pas full pin. Mais on a un gars pas comme... un top 6 pour ça. Hein? Non, tu peux faire un package deal. Fait que Sergachev, ton choix premier rond. On va donner le code gros, ça va être genre du McAaron. Tu donnes pas Sergachev. Ben oui, mais on va demander ton Sergachev. À qui tu donnes Sergachev, là? Non, non, mais je veux dire... Il n'y a pas personne qui donne Sergachev à personne. On parle de package, là. On parle de package. Ils veulent aucun de nos joueurs de Mallette, suis le puck. Ouais, ben c'est parce que dans le fond, il n'y a pas de package à parler parce qu'on ne sait pas c'est qui les candidats qui sont disponibles. Il n'y a pas de package à parler. On t'arrête de parler de façon hypothétique sur ce qu'on fait. Les candidats là, qui, sont, qui peuvent être discutés, c'est tous ceux-là qui font pas un playoff. C'est ça, déjà ceux-là qui font les équipes. Si tu regardes pas les équipes qui sont en marde solide, il y a Colorado. Mais Colorado, ils n'ont aucun joueur de centre disponible qui pourrait faire la job. Après ça, tu vas avoir Landeskog, son allié, puis Matt Shane, son allié pour faire ça. En plus, entre autres. Puis après ça, tu vas regarder du côté de l'Islanders, que ça va pas bien. Ça sera pas Tavares. Puis après ça, tu as Edmonton aussi, que ça va pas nécessairement bien défensivement. Ouais, mais les autres, je peux rien. Mais y a-t-il quelque chose qui t'intéresse à Edmonton? T'sais? Mettons, il y a peut-être Draisaitl, mais encore là, ils vont jamais donner ça. Saint-Point. Il est rendu à Saint-Louis, Yakupov. Mais il y a 5 points. Ah, c'est vrai. Revenons. Il y a juste 5 points par année. Il y a 5 points, Yakupov. Il est coupé. Il joue même pas, man. Il est sur le banc. Ouais, c'est ça. Il joue pas. Puis, mais revenons à la question, là. Qu'est-ce qu'on fait avec les blessés? Puis ça, Mark, ben, tu fais quoi? Non, mais je vais voir tout le monde. Il l'a dit, lui. Il échange. Il souhaite pour un échange. Non, mais t'as peu. Je pense pas qu'il souhaite pour un échange. Écoute, ben, check, ben, ça, regarde. Non. C'est pas ce que je dis, là. C'est que. Je fais pas le trade de panique, mais de toute façon, c'est que éventuellement un trade, t'en fais un parce que ça va te prendre un gars, genre, tu sais, ça va te prendre un autre gars sur le top 6. Ça se peut qu'il arrive un trade. Moi, j'y crois que ça se peut qu'il arrive de quoi. Si ça prend un autre gars, ça va être un joueur de location à date limite de transaction. Non, un joueur de location. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais un trade présentement, non. L'affaire qui est triste des joueurs de location, c'est que rien de disponible n'est intéressant. Pour gagner la coupe. Non, je veux dire, les joueurs disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Ça, tu sais pas. Mais oui, je sais, j'ai regardé la saison. Ah, tu dis un joueur qui a un contrat déjà, tu dis? Ouais, il peut avoir des joueurs à location. C'est-à-dire qu'une équipe qui va leur liquider ses effectifs pour sauver du cash. Mais c'est pas le moment jusque-là. Une équipe qui va être en reconstruction, genre. Tu vas aller chercher un gars puis tu sais qu'il ne signera pas. Il n'y a tellement pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas fermer la porte à rien. Puis oui, je suis d'accord que présentement, le Canadien, c'est pas le temps de faire un move de panique. Il n'y a pas de panique. Le fait est en première position. Le Canadien est en première position. Ouais, mais. Attends un peu. Le Canadien est en première position. On a un bon coussin. On n'est pas. Écoute, ouais, je dis pas rapide, coussin et Chris, on est quand même premier, on même. On a 4-5 points différents. L'important, c'est la 8e place. Mais il faut voir comment ça va aller. Si on joue aux 500 encore, ça vaut pas la peine de paniquer. Présentement, y a-tu de la panique? Pas en tout. Non, même. Parce que tant parce que tu as Price d'un net, t'as pas de panique. T'as ce qu'il faut pour faire la job. T'en perds 2-3 en ligne, là, tu vas commencer à genre jouer avec tes trios, avec tes lignes, avec tes joueurs. Mais tu vas pas commencer à paniquer plus, man. Tu vas pas commencer à dire, OK, là, j'en ai perdu 2, 3, peut-être 4. Échange! Ben, c'est ton meilleur, ça reste Price anyway. Price, ça, il va te voler tous les games. C'est pas pareil comme, mettons, juste c'est pour les mettre gars. En perspective, là, le Canadien a 32 points, puis le gars a 8e place. 32. Ouais, mais faut pas te regarder ça. On a 7 points différents. Faut te regarder les divisions. C'est pas demain, ça marche maintenant. Mmh, OK, ben regarde. Regarde pas les stats, Alex, ça va pas rapport. Regarde le wild card. Check le Corsi. Non, mais dans le fond, juste pour continuer sur ce qu'Alex veut dire, là, c'est que dans le fond, faut te regarder dans ta division. Là, 32 points, Boston. Tampa Bay, ils ont perdu Stamkos, puis ils gagnent pas ces temps-ci. Tampa Bay, ça va pas bien. Fait que dans le fond, la seule équipe qui fait vraiment peur dans notre division, ça serait Boston, je me trompe pas, puis Ottawa. Boston aussi va bien. Ouais, mais les équipes qui gagnent pas. Boston a 32 points, puis Ottawa 34. C'est ces équipes-là qu'il faut que tu. On a deux games et demi. Mais les équipes qui gagnent pas, souvent, c'est parce que les goalers, ils suckent en tabarnak. Je checkais là, la dernière game là, de Tampa Bay, tu dis que ça va pas bien. Là. Bishop, man, là, est-ce-t-il s'est fait roofer là, tout le soir. Est-ce-t-il, là, c'est ça mais pas Bishop, cette bon année, ça, c'est une année qui est bizarre pour lui parce que dans le fond. Il sait que ça en va. C'est ça, il sait que ça en va. Fait que comme pas le cœur à l'ouvrage. Jeff, on va venir. Il y a notre correspondant dans l'Ouest, Nick Chalifou, qui dit qu'il faut un trade absolument rapidement. Lui, ça arrivera pas, Nick. Non, ça arrivera pas, Chris. Non, lui et Nick, il dit qu'il faut s'assurer de garder le momentum puis que c'est pas les joueurs à Saint John's qui vont nous sauver pour 8 semaines. Il va falloir. Je suis d'accord, c'est pas les joueurs à Saint John's qui vont nous sauver, mais faut garder. C'est le temps des montées, là, ces joueurs-là aussi. C'est le temps des affaires. Nick, t'es désillusionné. Nick, c'est le décalage. S'il fait ça, là, Bergevin, là, c'est là qu'il va faire le décalage. Il va falloir sacrifier notre jeunesse pour un gars. Puis tu vas sacrifier tes années à venir. Non, t'attends le bon timing. Puis payer le bon prix pour le bon joueur. Puis là, date, si tu veux non, jouer tu à décembre. Développe par le repêchage. C'est vrai, toutes les équipes le font maintenant. Il n'y a plus d'échange en ligue. Ouais, mais mettons que ta fenêtre, monde, la fameuse fenêtre d'opportunité. C'est là. Le mais là, tu développes pas. Là, t'es pas en développement. Là, t'es comme c'est mais right. Faut que tu commences à développer. Et tout le monde développe. C'est on développe. Tu sais, ça nous prend nos Sergachev. Ben, pas Sergachev, mais Sherback, McCarron, tout ça. Qu'il faut qu'ils montrent, qu'ils remplacent les Dano Mitchell de ce monde. Mais les Mitchell Flynn de ce monde, Hudon, qui remplace les Mitchell Flynn de ce monde. McCarron. Pécanet s'en va, Dernier s'en va. McCarron, peut-être à un moment donné, ça ne dérangerait pas. Mettons qu'Andrietto, il va pas bien, mais j'aimerais ça voir McCarron. Mais c'est sûr, mais il est blessé. Tristement mieux. Non, il est revenu cette semaine. Qu'Andrigetto. Ouais, moi et tout. Là. Moi, Andrigetto, je suis plus capable. Parce qu'Andrigetto, là, on a pas besoin de tout. Moi, là, Andrigetto, là, m'a t'a dit, j'en ai soupé d'Andrigetto. Hey, Andrigetto, moi, il sait. Mais hier, il a bien joué. On va le dire. Mais tout le monde a bien joué hier. Ouais, mais tout. Mais McCarron, c'est parce que le Canadien, il s'estime de McCarron de le mettre au centre. Ils vont le mettre au centre. Mais si, mais c'est un allié. Non, c'est un joueur de centre. C'est un centre, là, mais je veux dire. Mais il serait meilleur en tant qu'allié. Il serait meilleur en tant qu'allié, je suis d'accord. Sa position pour naturelle, commencer, c'est centre. Mais pour commencer dans les nationales, il serait meilleur allié, je pense. Ouais. Probablement, mais présentement, c'est bien des centres. Il y a bien des pisteurs qui disent ça. Puis ils disent que c'est le Canadien qui s'estime à le voir le mettre là. Bon. Excuse, tu parles de McCarron, là. Ouais. Ah, McCarron, écoute. McCarron, là, c'est un joueur limité, pareil. Là. Ben oui, ça sera jamais un joueur jouer, de deuxième trio, premier trio, deuxième trio. Non, c'est un gars de bottom six. Ça va être un gars genre troisième dans le top, là, tu sais. Ouais, dans les meilleurs des mondes. Qui on veut monter là, de Saint-Jean? De qui qu'on voudrait qu'il perde? Mais Hudon, il est blessé. T'espères voir à un moment donné. Hudon, il s'est genre fracturé le sternum, je pense. Ouais, c'est ça. Là, il est retourné avec la F4. C'est une blessure, ça. Ça doit pas être. Pendant une pratique, fracturé le sternum. C'est quoi? C'était qu'un slap shot, c'est-tu de Webber? Tu vois comment je le savais? McCarron, c'est un right wing selon KDB. Puis c'est les Canadiens qui le mettent au centre. Puis c'est ça qu'on pensait. McCarron, c'est un centre. Non, c'est le Canadien qui s'estime à le mettre au centre. C'est Michel. Pour Gatchina qui le met à quelle position, de la fin? Ben, je sais que. Ça, c'est le coup, il le met à quelle position? Ça, j'ai donné la réponse à ta question ici. La réponse est on s'en calisse. Voilà. Mais Cha, il est tagué comme étant un centre, puis il est tout le temps à l'aile. Ouais. Non, des fois, ces affaires-là, là, c'est bizarre. Là. On va voir. On va voir. Okay, allons voir. Ben, bref, Hamilton, il n'y a pas grand-chose de disponible. Vas-y, Mr. Stats. Être un wow. Nick dit qu'il est d'accord qu'il ne faut pas paniquer, mais il dit qu'il faudrait quand même trouver un deuxième centre qui peut nous aider pour plusieurs années. Effectivement, mais... Oui, mais sûr, mais ça ne sera pas fait tout de suite. Tu n'iras pas chercher un deuxième centre, c'est la grosse crise de panique parce que, genre, Dernais et Galchenyuk sont blessés. Forget it. Depuis ton joueur de centre, tu le pognes. Avant la saison commence, tu voulais avoir un autre joueur de centre. C'est juste que, tu sais, ils sont pas disponibles, tu fais pas de move de fou non plus. On a réussi à aller chercher Radulov. Quand même. Qui produit en crise. En tant qu'agent libre... Je m'en calisse, c'est vrai. En tant qu'agent libre, oui. Mais on a réussi à aller chercher un joueur de top 6. C'est ça. C'est rare. Tabarnak à ce temps-là. T'as un hostie. C'est difficile. On est chanceux, c'est un guest. C'est ça, les trades. C'est ça. Puis honnêtement, là, l'année prochaine, Radulov, là, J'espère qu'on va le signer. J'espère qu'on va être capable de le signer, mais j'espère qu'on va avoir de la place pour le signer. Ouais, parce ouais, mais le souhait qu'il faut que t'ailles pour l'avoir, il faudrait que Plekanec soit repêché par Vegas. Parce ben, que soit ça ou genre tu rachètes son hostie de contrat. Non, ça? Parce Plekanec? Que t'es pénalisé d'une coupe de millions sur ta masse salariale. Mmh. C'est ça ouais, qui fait chier. De le payer. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais la masse, ça va augmenter, right? Parce qu'après ça, il faut que tu signes. Elle peut baisser l'année prochaine. Ils sont pas sûrs en crise. Le championnat du monde, je pense que ça va aider. Ouais, moi, Pleki, chez les Golden Knights. Moi, champion. Les Golden Knights, en guillemets. Les Golden Knights. Ben, ils vont l'avoir. Ça, ouais, c'est tapé dans un verre d'eau. Non, Chris, il y a plein d'équipes qui ont le même nom. C'est sûr. Là. C'est juste ça, les Hurricanes, il y a une autre équipe collégiale qui a le même nom. Ouais. Boston, c'est genre Boston, Boston College, genre je sais pas trop, Providence. Il y en a plein, là. C'est Providence. Mais ben, c'est drôle, j'entendais une affaire il n'y a pas longtemps, le monde il disait comme. Puis c'est vrai, j'ai réalisé ça. Ben, j'ai réalisé ça. Toutes les équipes. T'as eu une épiphanie. J'ai eu une épiphanie. Non, mais en écoutant ça, j'ai réalisé, Chris, le gars, il a vraiment. Il a raison. C'est toutes les équipes que c'est des affaires, genre comme les North Stars, c'est devenu les Stars. Les Mighty Ducks, c'est devenu juste les Ducks. Toutes les affaires qui comme. Tu penses qu'ils vont devenir les Knights composés, genre? Ça pourrait devenir Bad juste Knights. Les Knights parce que. La manière qu'ils reformulent les noms, ils enlèvent tout le temps comme l'affaire qui est comme l'adjectif. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont décrire les games? Les games. The Golden Knights, the Golden Knights. C'est bien trop long, calice, man. Ils vont juste dire the Knights. Ils vont dire les Knights. Ils vont dire Hawks. Ils disent déjà les Blackhawks. Ils disent mais pas les Blackhawks. Les Jackets, man. Ils disent jamais les Blue Jackets. Ils disent the Jackets. Ouais, mais Canadiens, ça se dit quand même. Les Canadiens ou les Canadiens. En anglais, c'est tout le temps les Habs. Ouais, mais ça se dit mieux quand même. Mais tu sais, Golden Knights. Tu sais, c'est comme. The Knights. Anyway, tu vois, la NHL ne backera pas. Puis c'est encore là. Ils vont s'approprier. Les Red Wings, c'est des Wings. Ouais. Des bonnes ailes. Ouais, mais les Red Wings, encore là, ça passe parce que c'est deux mots short. Là. C'est ça, mais c'est toujours short name. La période est finie. On va faire une deuxième entraque. On va revenir pour la troisième période. On a des extraits audio et vidéo pour Ron de René. Hey, Michel, sors de ce corps. On va revenir pour la troisième période. On est retour pour la troisième période. I'm right, you're wrong. Wrong. Let's agree to disagree. Non, absolument pas. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Il n'y a pas de métronome dans ce sound effect-là, au moins. Beau son de patin. On a tout gâché les punchs. Ouais, un son de patin là, qui vient, bien affiché. Ben, on a enregistré ça à Patinoire Saint-Gérard, c'était tough. Hein? Tabarnak, non, tu m'as fait écouter d'où c'est qu'il venait le son de. Dans la toune au début. Ah ouais. C'est lui de Marilyn Manson? Non. C'est lui et Picaro qui l'ont fait. Non. Ça vient d'une toune. Ok. Parce qu'il y a quelque chose que t'as fait à un moment donné que c'était toi qui faisais des sons en arrière, mais je me rappelle plus c'est quoi. Ah non. Ah, c'était le son Ah, le son de Bouillouard. Ouais. Peut-être, en tout cas, ça se peut. Anyway. Allez voir les archives de Young Media. Fuck, what's going on? Lui, c'est pas pareil. Ça, c'est le Richard. Du coup, parler. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça que le son de bouilloire qui siffle. J'ai miqué ma bouilloire. Nobody calls me Richard. Not even me. Ouais. Ah, okay. Beau dialogue. Allez, on pourrait vous le faire en audio, je pense, au complet. Ah, je l'ai trouvé un peu par cœur, ce petit texte-là. Un vrai acteur. J'ai comme. J'étais un méthode acteur, moi j'apprends à toutes les idées. Dans peau, là. Je le hack pas, mais je le dis. Je le vis, Ok, go. Ok, around the NHL, premièrement, les Panthers de la Floride ont congédié Gérard Gallant. Et ça, c'était très drôle. T'as parce que shooté en taxe. Il est parti, puis il a payé son taxi. C'est dégueulasse. Mais ils ont pas payé. Non, mais ils l'ont remboursé. Ils l'ont remboursé. À ce jour, ils l'ont remboursé. C'est ça, mais c'est fucké parce que si vous avez su ce qui s'est fait coller dehors. De l'autobus. Il y a du punk ton stock sans tes valises à l'autobus. Écoute, c'est grave, là. Il s'est fait appeler par le DG pour dire genre, get out of the bus. Puis le DG était même pas là. C'est comme si tu drops ta blonde au téléphone. C'est dégueulasse. C'est comme McFly dans qui se fait slacker, genre là, quand il dit you're fired. C'est comme si tu t'en vas en bas à ton party de Noël avec toute la gang, puis genre le boss se crisse dehors pendant que tu t'en vas. Mais il est même pas là, genre. C'est un autre employé, c'est un des ressources humaines qui crisse dehors. Au party de Noël, c'est genre il t'appelle. On t'échoue ton billet, tu vois. Il t'amène dans le boss, puis tu crisses. C'est un de tes collègues qui dit ouais, c'est le boss, il veut te parler, te passe le téléphone. Ouais, Chris, ça sort du boss, t'es viré. Ouais, on l'a pas dit. Ça manque tellement professionnalisme. Ce gars-là vient de péter sa réputation. Le pire, c'est qu'ils ont changé de. Le propriétaire, en fait, le nouveau propriétaire des Panthers, là, c'est un ancien militaire. C'est un gars de l'armée, ouais. C'est un Corsi, ça. Il était pas là pour ses troupes en calice, hein? Ben oui. Parce que dans le fond, le directeur général qui a engagé, qui ont tassé. Delta Lune, il a bâti le club. Le directeur général. Ils l'ont tassé, ouais. Ils l'ont mis président. Ouais. Tom Rowe, qui est le nouveau DG, c'est un pro Corsi à côté, ben ouais. Raide. Oh, sur les défenseurs qu'il y a en Floride, là, il y en a 5 qui ont crissé le camp. C'est 5 nouveaux défenseurs. Bon, là, en le, plus. Hey, leur nouveau gérant général. Ça marche en est. Ah ouais, puis la paix, c'est que Galant, ça sortait bien. Il y a des gros joueurs qui sont partis de ce club-là. Améliorer l'équipe. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer le gérant général. Et au Bergevin, est-ce on veut des audios? Non, il sort pas plus. Besoin, ben, il n'y a pas besoin de sortir. Il va sortir à mi-saison. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Il sort pas. On veut qu'il sorte sa blessure à Galchenyuk. Oh, ouais, s'il sort à mi-saison comme l'année passée, il va faire, ça va faire ça bien. Ça va bien, il est dans sa tête. C'est comme ça. Le gars des Panthers, c'est quoi ce disque? Il reste dans sa tour d'ivoire. C'est ça, dans le fond, le nouveau directeur général, c'est un pro Corsi. Fait qu'ils ont commencé à bâtir le club selon les stats. Fait qu'ils ont commencé à changer de défenseurs. Qui sont supposés de bleu ou genre. Eux autres, ils ont saccagé le club. C'est vraiment intense, là. Puis Galant, là, dans le fond, la manière que lui coachait son club, mais le DG aimait pas ça. Fait que ça a pris un bon moment opporteur pour pas le coller. C'est dehors. Mais non, mais c'est parce que toi, t'es un coach. Toi, t'es un coach, puis tu reviens à ton camp d'entraînement. Tu reviens à ton camp d'entraînement, puis là. Après une défaite quelconque. Là, t'apprends que t'as plein de gars qui sont slack, tu sais, genre, qui sont tradés. Genre, il y avait Brian Campbell, il y avait Kulikov, il y avait Eric Grubatson. Hey man, est-ce que là, t'es comme un coach, t'es habitué à ton groupe de joueurs. Ça va pas, il a bien fait quand ton, même. Ton DG, man, il t'a après tout saccagé. Est-ce qu'ils ont fait des échanges vraiment bizarres. Hey, brother, avez-vous vu qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Ben, c'est pas en lien avec l'affaire de Galant, là, mais parce qu'ils ont parlé des stats avancées du Corsi et toute l'équipe. Ouais. Il a dit, tu sais, les stats avancées, c'est. C'est un outil pour genre avoir le, comme le big picture. Il y en a qui prennent ça comme religion. Mais ça donne pas, genre, pas la vérité absolue. Tu sais, c'est comme quand t'as un joueur comme Brother qui dit ça, c'est comme Carl. Ben, il y a plein de coachs qui disent ça. Mais non, fanatique du Corsi. T'as de plus en plus bandé Corsi. Les gens sur Twitter, ils connaissent ça. C'est un fan du Corsi. Non, mais attends un peu, on parle pas juste de Twitter. On parle de. Même dans les. T'as des fans du Corsi. Si t'as des bandés Corsi, dans le monde, c'est du monde qui trippe ses chiffres. Non, mais le pire, c'est que toutes les équipes qui sont décidées d'aller de ce côté-là, ils sont tout le temps dans la cave. Il y en a deux. Tu peux pas juger les Coyotes puis les Panthers. Puis les Panthers. Puis l'affaire qui arrive aussi dans le Corsi, pour refermer ta parenthèse, si tu veux, là, c'est qu'il y a des joueurs qui ont avoué ouvertement, des journalistes, qu'eux autres, ils trichent, ils font exprès pour shotter vers le net pour augmenter leur cote du Corsi. Ça, c'est plusieurs personnes qui l'ont avoué. Ce que je voulais dire par rapport aux Panthers, là, c'est que on parlait du logo qui avait changé, là, mais le nouveau logo des Panthers, là, c'est l'emblème du bataillon que le propriétaire avait dans le temps qu'il était dans l'armée. L'emblème du bataillon. C'est ça. Là, il était prêt à tout mettre. Hey, c'est le soldat mathématicien là, dans le club. On va de la gamme sur Dave. Pour miser sur une coup statistique. D'état, man. Puis ça les amène vraiment dans le bas-fond. Là. Écoute, je souhaite de tout cœur que les Panthers ne fassent pas les playoffs. Là, je ne sais pas si tu vas m'écouter, mais je pense que les auditeurs m'ont. Ben là, sérieusement. On t'écoute, mais pour d'abord, on souhaite tout dans ma face. C'est un chien sale qui. Pour d'abord, c'était pas comme ça. Le fait, c'est que le DG, là, c'est lui qui s'est coach. Il a jamais fait les séries. Non, mais il a toujours voulu être coach en national. Ce gars-là, il s'est comme donné son rêve. Il a été placé là, puis j'ai toujours voulu être coach avec le salaire. Je me suis couché, puis j'ai un rêve. Ah, check ça, je vais atteindre le point Godwin, c'est un genre de Hitler. Il est comme le culminant. Le point Godwin, on a sorti les nazis, on peut plus rien dire d'autre que ça. Il a une fiche perdante dans la ligne américaine, une fiche perdante dans la ligne junior. C'est pas de vrai, là. Ce gars-là, il a toujours voulu comme coacher dans la ligne nationale, puis il vient d'avoir son poste. Moi, l'affaire que je trouve pas pire là-dedans, c'est que c'est comme un laboratoire. Pour vrai, parce que les autres, là, c'est la première équipe qu'on va voir. Non, les Coyotes font ça. Les Coyotes sont pareils. Les Coyotes et les Panthers, c'est... Ils font la même chose. OK, mais là, les Coyotes... OK, mais les Panthers, là, ont été comme... Ils ont été dégueulasses. La manière qu'ils ont agi, là, pour vrai, ils ont été avec la manière. C'est vraiment anti-sportif. Comme dans l'armée. Qui va vouloir travailler là, même à part comme Randy Cunningworth? Ben, ils vont tout... Yes, I'm gonna have my chance. Non, mais c'est vrai, tu sais. Un coach... Non, mais un coach professionnel, il ne voudra pas aller là. Il va voir comment il l'a traité. Tabarnak! C'est pas ça. Cunningworth. On dit son nom, Alex. Esti, j'aime ça. Randy Cunningworth. Cunningworth. J'aimerais ça entendre Michel Therrien dire Randy Cunningworth. Lui, ça serait comme. Il aurait dit, je pense, quand il s'est mis dehors. Il aurait sûrement dit. Fait que deuxième point around the NHL, Travis Moen, un ancien du CH, prend sa retraite et devient. Oh. On dit comme qu'est-ce que Jeff a marqué, devient un plombier, mais il devient un fermier, en fait. Là. Travaille dans le purin. Ouais. Il vend des bols, Moen. Des vols toilettes. Non, des robinets. Des robinets Moen. Moen, c'est une marque de plomberie. Ça fait c'est des farmers. Hein? Sa famille, c'est des farmers. Fait que Ron. Il est retourné sur le patelin de la famille. Il est retourné à ses sources. Il est retourné sa famille de Amish. C'est ça. Il est comme dans Kingpin, il est avec des Amish. Il est allé fourcher de la paille. Il est allé lever une grange avec des palettes. Il a rendu ses services. Il a eu quand même une carrière. Il crosse des rails. Il a quand même une tabarnak de coupe cette année, lui. C'est ça. Il a la bague. Il a le but de la coupe. C'est lui qui a le but de la coupe d'ailleurs. Contre Anaheim. Ouais. Ouais. Pas contre Anaheim, pour Anaheim. Voilà. Il a compté le but de Travis contre Anaheim. Ouais, mais une petite affaire là, que ça chez toi. Il y a même dit que sa bague est dans un coffre-fort dans une banque. Il l'aime pas chez eux. Quatre poteaux. Mais moi, je l'aurais chez eux. Avec des dents. Pas avec des dents. Mais c'est ça chez vous, on est tabolé. Tout fumier. Prochain point, c'est un vidéo. Hein? On a une vidéo, le prochain point. Ah oui! Ok, on la regarde. Hey, on attend les vidéos! Puis là, c'est un gros hit. Fait que si vous êtes en audio, genre allez sur YouTube, là. On va vous le décrire, en fait. C'est Taylor Hall qui fait un gros hit sur Philip Larson. Mais ce que je veux qu'on regarde, c'est la mêlée qui éclate à côté de Philip Larson qui est couché à terre, knock-out, puis les gars avec leur patin sur le bord de la gauche, puis ça y pile. Non, mais il y a Miller qui essaie de le protéger. On va le voir. C'est violent, Chris, ça, man. Ah, c'est fou, là. Il se fait c'était coucher, légal, c'était là. Légal. Mais tu sais, bang, là, il est out. Out cold. Ah non, couché c'est à terre. C'est tous les joueurs qui s'en viennent, genre proches. Check les cabochons, là. Check ça. Check sa tête. Check, c'est qui le 60? Granlund. Granlund. Là, c'est Goaler. J'avoue, c'est Goaler. Il peut passer où? Hey, c'est Granlund. Au moins, Goaler a fait vraiment la bonne affaire. Comme tassez-vous tout le monde, il est knock-out. Hey, il aurait dû faire ça. Oups, il tombe à terre. Il aurait dû faire ça. Comme à Alit. Le Goaler, il fait comme un save sur le bâton après. Hey, il te honnêtement, là, c'est vraiment correct comme hit. Mais après, ce gars, il rentre avec le patin en arrière. Là, d'accord. Hey, man. Ah, il était le calice. Hey, le monde sont épais quand même. Il a pas été si violent. Non, non, mais il y a plein de patins. Le hit a bien rentré. Après ça, il y a plein de patins qui frappent. Et on le voit sur pas ça. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est que je pense que c'est la tête qui va. C'est quand que la tête. Ah, c'est le contact. Ah, mais il l'a frappé avec son sternum. On voit ici le DG qui est. Ah, mais c'est quand la tête, elle va bomber. C'est Jim Benning. La tête va. Tabarnak, qu'est-ce qu'il fait à la tête baissée? Mais c'est ça, il faut que les joueurs se protègent eux-mêmes aussi. Puis ça arrête. Il aurait pu se mettre genre ailleurs. Le pire, c'est que c'est ses c'est un choc d'en face, mais après ça, c'est la tête qui va taper sur la glace. C'est souvent ça. C'est souvent pas l'impact qui est le problème, c'est vraiment le coup sur la glace. Ah, il était out au contact initial. Mais reste que le contact, c'est fait pareil. Si ta tête, tape de même à terre, c'est parce que c'est le genre. Mais c'est ça, mais t'as un choc double, là, pareil. Là. Ouais, mais moi, t'as le casse. Celle-là, il y avait le casse. C'est pas comme Brusher qui a pas de casse. Non, mais t'as pas avoir le même si t'as un casse, ton cerveau va à côté pareil. Le problème, c'est pas l'impact, c'est le cerveau qui se promène encore. Non, non, le problème, c'est pas les commotions. Selon GT Utah, c'est les médicaments, c'est de cave. C'est le cerveau qui... Oh my God! C'est le cerveau qui brasse dans la cave. Malade d'enquête. Ouais, ça va parler de médicaments. On a des nouvelles là-dessus. D'accord, vous autres, mais c'est juste... Il y a déjà la commotion est déjà arrivée. Il y en a non, plus grave. Il y a un double. Mais il y a comme une première lumière qui ferme, puis il y en a une deuxième. Oh, la première. Là, il y a des questions à trois, parce que le coup de patin, mettons, que son coup de pied donne sa tête, ça peut avoir un impact encore plus. Ouais, mais ça, c'est comme du gravy, quasiment. Comme du gravy. C'est ridicule. En plus, c'est les gars de son équipe. Prochain point. Ah, ouais, on dirait que c'est cave parce que là, tout le monde fonce, genre, pour aller. Ça comme... passe à rien. Là. Mais le gars, il est à terre, puis son. Bon, on se bouge. Lui, c'est pas grave. Ça, là. Ils ont été épais. C'était l'émotion. C'est comme là, les fils se touchent, puis genre, tu penses plus à rien. Tu pètes un plomb, même. Hey, tu brouilles. Tu pètes un plomb. Ce que tu veux faire, c'est péter le gars, là. Ah, il aurait pu y trancher à gauche live on the spot. Ben, c'est chiant. Il aurait genre rien senti. Hey, ça aurait été c'est chiant comme hit. Tabarnak. Next. C'est clean, mais c'est chiant. Selon les médias, je vais vite. C'est pas chiant. Selon les médias, John Tavares ne signera pas de prolongation de contrat avec les Islanders. Deviendra joueur autonome en 2018. Qui? Ouais, John Tavares. Darren Dreger a annoncé que les Islanders seront incapables de signer John Tavares. Ah ouais? Avec leur club. Ça va pas bien avec les Islanders. Là, t'as le but de John qui vient avec ça. Le but de John? T'as pas un but de John Tavares? Je l'ai. Je pourrais le mettre d'ailleurs. Je l'avais juste pour montrer un peu. Parce qu'on parle de lui. Là, ça va être le joueur autonome le plus convoité en 2018. Il va être sûr, John Tavares. Mais il va être rendu à quoi? Il va être rendu à deux. Pas cet été, l'autre après. Il va être rendu à 32-33 ans. Tavares, même pas. Il n'aime pas 30 ans. Il va avoir 27-28. Oh non, pas tant que ça. Tavares va donner un petit goal de fou. Il n'aura pas 33 ans. On va le voir. Tant jeune. Je le mets ici, le but de Tavares. Voici le but. Voici le but de Tavares. On veut-tu le garder? Il est magique, ce gars-là. Hop, on met le bâton derrière moi. Hop. Hein? Tao! Ah, Tavares, c'est un esti de génie, man. On va le voir de l'autre rang, puis on va voir de l'autre rang. Il passe son bâton en arrière. Il à Montréal. Hey, boy. Non, il n'y arrivera jamais, tu rêves en couleur. Ouais, ça arrivera je sais pas. Que je rêve en couleur, mais ça arrivera pas. On a, l'être humain a le droit de rêver. Je veux voir quand même la reprise de ça. Ok, on va checker le bâton passant. Ah, il est né en 90. Tu sais, quand tu contrôles le bâton dans le dos avec ton autre main, là. Puis tu finis par se carrer par exemple. Ah, il est né en 90, fait qu'il a 27 cette année. Ben, en 2017, là, je le veux dans mon club. Je le veux dans mon lit. Ben, honnêtement, là. Je le veux dans mon lit, puis colle-moi une bouteille de champagne. Bergevin, Bergevin se doit quand même. Il viendra pas jouer. Ah, il viendra pas jouer à Montréal. Non, je sais, mais il se doit quand même. Les 30 DG vont être 31 DG aussi. Ça va être au plus offrant. Les Golden Knights vont étudier le dossier. On a un avantage, par contre, parce que dans le fond, là. On va étudier le dossier. Pourquoi? Les Golden Knights sont prêts à mettre ça en place. Hey, les boys, je veux savoir pourquoi on a un avantage, parce que Mallette a dit on a un avantage. C'est ça. On jase. Moi, j'aime ça dire ça. Soit taille. On jase comme Martin Lemay, man. Fuck that shit. Je vais poser la question à Dave. T'es DG des Islanders de New York. Si tu le sais que Tavares, c'est impossible pour toi de le signer, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu le trades ou tu le gardes jusqu'à la toute fin puis tu le perds pour rien à un joueur autonome? Ça ressemble-tu comme à la situation de Stamkos? Ouais, moi, je pense que oui. Il disait ça l'année passée. Tu le perds-tu ou tu le trades? Sauf que Stamkos... La porte avec Tampa Bay, elle a jamais été fermée, dans le fond. Ah, fait il fallait s'attendre peut-être. Là, elle est fermée avec les Islanders. Là, c'est fermé, les gars, fini. Sortez les tapes, parce que l'année passée, il y a dit la même affaire pour Stamkos qu'on était en bonne position. Non, jamais j'ai dit ça. Stamkos cherche un bon goaler. Je le vois dans ma soupe, là, Tavares. Je comprends ton point de vue. Je te demande juste qu'est-ce que tu ferais. Tu l'échanges ou tu le gardes? Si, tu fais juste mais tu l'échanges-tu ou tu le gardes? Je veux dire, il viendra pas. Tu vas l'échanger. Pourquoi tu vas échanger ses droits? Y a-tu des droits encore? Non, il y a encore un contrat valide. Il est encore valide. Ah, mais il est free agent après. Dans un an et demi. Il est free agent. Dans un an et demi. Hey man, il peut te donner des beaux services encore, là. Ouais, mais si tu vas aller chercher quoi pour lui? Ben. On s'entend qu'un joueur de centre à la trempe de Tavares, ça vaut quelque chose sur le marché, quelque chose de très bon. Nick Chalifou confirme que Jeff a dit ça l'année passée sur Stamkos. Merci. Non, mais check bien ça. Okay. Tu vas le chercher. Non, ok, je comprends ton point de vue. C'est des first picks. Mais tu vas aller donner du gros Chris de stock sale. Mais moi, je vais répéter ce que de Gazette a écrit. Après ça, t'es même pas sûr de le signer parce qu'il va te coûter la grosse Chris de total parce que tu vas avoir. Ouais, mais tu t'arranges. Comme Alex, c'est pas comme Alex Pimard t'ont dit, tu vas avoir 30 beaux gris de clubs qui vont courir. 31? C'est ça. Ouais, 31. Ben 30 parce que, mettons, on enlève les Islanders. Ils vont essayer eux aussi. Tu vas avoir 30 beaux gris de clubs qui vont aller chercher, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aller chercher Tavares. Stamkos, c'est pour combien par année? Je sais même 8 millions. Quoi, 8, ouais. Ouais, 8 millions. Tout le monde disait parler de 12. Ouais, mais honnêtement, j'aime crissement mieux Tavares que Stamkos personnellement. Moi aussi. Ce joueur-là m'excite plus à voir aller. Il est pas mal moins blessé. Je trouve que Stamkos. Il est plus all-around. Je trouve que Stamkos, pour moi, c'est un des gens. OK, il fait partie de l'élite Stamkos, de la ligue. Stamkos. C'est un joueur élite dans la ligue. Ah, il est fou, Stamkos. Mais c'est probablement dans l'élite de la ligue. Un des plus, selon moi, overrated. Ouais. Stamkos? Ouais. Il a fait la grande levée avec Team Canada. Il est fragile, puis c'est un des plus overrated. Il est dans l'élite. Il n'y a pas de doute sur Stamkos. Il est dans l'élite. Il est bon. C'est parce que Stamkos, il est overrated dans l'élite, selon moi. Stamkos peut le faire la saison de 50 buts. Il est capable. Sauf que Tavares, c'est un très bon joueur de centre. Puis nous autres, si mettons, là, on voudrait étudier la situation puis voir, OK, regarde, on va essayer d'aller le chercher par via transaction. Ah. On a un joueur qu'on pourrait donner, que moi, je serais prêt à donner, c'est Max Pacioretty. Pourquoi je donnerais Max Pacioretty? Parce qu'il vient de Long Island. Il a compté autant de buts que John Tavares. Pourquoi je prendrais Pacioretty contre Tavares? Ouais, c'est parce sûr. Que pour moi, un joueur de centre, c'est beaucoup plus important qu'un ailier. Moi, je parle de l'inverse. Pourquoi, genre, je suis les Islanders, je veux Pacioretty? Parce que dans le fond, c'est ça, tu pars de même avec des discussions. Ouais, ok. Tavares, tu le perds. Ça passe pas, c'est un NHL 2017. Tavares, ça passe pas en tabarnak. Va l'essayer sur ton PlayStation 4 puis tu nous reviendras. Un affaire de même. Un affaire de même. Un peu. À défense de la manette, un affaire de même. Non, Jeff, t'es désillusionné en tabarnak. Non, pied à terre. Explique-moi deux secondes. Jeff, t'auras jamais tabarnak pour Pacioretty. Oublie ça. Pacioretty, il y a plus de buts que Tavares dans ces dernières années-là. Là, tu vas nous laisser répondre parce que depuis tantôt, c'est juste. Non, cossé. Tu le veux, tu le veux. Non. Je vais juste expliquer les faits. Ok, t'as un peu, pour la table. Si tu faisais ça, Pacioretty, tu l'envoyais, mettons, dans le but d'avoir. Pour jaser avec Tavares, n'importe quoi. Ok. Ouais, c'est sûr que tu. Non, c'est impossible. C'est sûr que là-dedans, à l'équation, tu rajoutes ton first pick. L'équipe qui va parler pour avoir Tavares. Mais non, tabarnak. C'est sûr, c'est un first pick. J'ai jamais dit un pour un non plus. C'est sûr. Il a dit t'ouvres les discussions, mais en même temps, genre, tu sais, je veux dire. Tavares, t'es sûr de le perdre, ok? Fait qu'il faut que tu t'ailles jouer des. Faut t'ailles trouver des joueurs c'est quoi pour le remplacer. C'est quoi l'avantage à Bergevin d'aller chercher un joueur pour un an et demi, que peut-être qu'il va perdre aussi, mais il va donner Pacioretty un choix de première ronde, puis sûrement un prospect. Pacioretty devient joueur autonome. Non, mais c'est quoi il devient mon joueur avantage? Autonome dans un an et demi aussi. Okay, mais ton avantage, c'est qu'il y a besoin d'un joueur de centre. Mais je prends un prospect puis un choix de première ronde. Puis on s'entend qu'on peut pas faire d'échange pendant la saison, qu'il faut que je bâtisse sur le repêchage. C'est ça la Ligue. Moi, le GF. C'est là, quoi mon avantage en tant que Bergevin d'aller chercher un joueur? C'est quoi le repêchage qu'on a dans deux ans? C'est quoi mon avantage? Je pense honnêtement. T'as besoin d'un joueur de centre. Oui, je comprends ton point de vue. Je le comprends très bien ton point de vue, mais honnêtement, je pense qu'un DG intelligent qui sait très bien que Tavares va être genre joueur autonome dans un an et demi. Il va pas aller donner mère et monde de style pour aller chercher ce gars-là pour un an et demi, sachant pas qu'il va pouvoir le garder après. Un DG intelligent. Je dis pas qu'il y en a pas qui le ferait. Mais c'est un hostie de gros risque parce que tu sais pas, en bout de ligne, qu'est-ce qui va se passer avec dans un an et demi. Il va-tu re-signer avec moi? Je sais pas, man. Parce que là, je vais avoir un gros derby. Attends dans un an et demi que Tavares soit éligible. Check qu'est-ce que ton équipe va avoir l'âge justement avec Pacioretty qui re-signe. Puis après ça, va le chercher sur le marché des joueurs autonomes. Trade pas ton premier choix puis un prospect plus Pacioretty pour quelque chose que tu pourrais avoir. Chris Chicago fait ça à toutes les fucking années, est-ce, puis ils ont gagné 3 coupes cette année dans les 5 dernières années. C'est pas grave. Ah non, il y a juste 3 coupes cette année. Nick dans le chat, il dit que Tavares est un franchise player. Antoine Vermette, après ça, tu cherchais Andrew Ladd. Delwee. That was a fucking good move. Ouais, mais ils ont essayé, tabarnak. Ils ont essayé. À un moment donné, il faut que tu essayes. Quand tu sens que la fenêtre est ouverte, tu prends un risque. On est content. C'est correct. On comprend ton point. La fenêtre est cette année, c'est pendant que Price n'a pas signé son autre contrat. Price signe à Montréal, whatever. Bon, l'après-midi est fini, il reste des points, fait que je vais les passer vraiment vite. Là. Brian Burke a traité un DG d'imbécile sur les ondes de TSN Radio, puis il a marqué de qui s'agit-il, je ne sais pas. Brian Burke, c'est un imbécile. Move on. Non, Brian Burke, c'est un gars qui est quand même wise. Fais ça vite. Puis la raison pourquoi il a callé out un DG, c'est le DG des Côtes de Phoenix, parce qu'il a offert Anthony Duclair pour Dougie Hamilton. Puis ça a été encore mentionné par Darren Jagger à TSN. Il l'a traité de cave. Il n'a pas nommé de nom, mais le matin même, Darren Jagger l'avait mentionné. Fait que dans le fond, tu as juste fait 1+1 égale 2. Les Blues ont dit non? Ben c'est sûr que les Flames ont dit non. Chris, il dit on a échangé fucking 3 choix. Les Flames n'ont pas échangé Dougie Hamilton. Regarde, dans le fond, Alex, ce qui est arrivé, c'est que les Flames n'ont pas eu peur de donner des choix au repêchage pour échanger Dougie Hamilton. Puis ils sont bêtement bons cette année. Waouh, pour Dougie. Hey, ça fait 5 games en ligne qu'ils gagnent. On parle d'une séquence, pas d'une saison. Je sais, ben attends, Chris, on est rendu au mois de novembre. Moi, je vais trader un gars pour 5 games. Ouais, mais Dougie Hamilton, c'est bon. Il y a quel âge, Dougie Hamilton? Il y a 36 ans. Ben non, tabarnak. So what? C'est un bon défenseur, Chris. Dougie Hamilton. Si tu vas avoir un défenseur, ok, vous me tapez royalement, c'est nice. Dougie Hamilton n'a même pas 25 ans. J'ai des points tabarnak, moi, à passer, là. Passe tes os. C'est pas une séquence qui est bonne échange. Ok, move on. Les Oilers ont chié sa ligue parce qu'ils ont retiré Connor McDavid pour suivre le protocole des commotions cérébrales. Puis ils ont bien fait la ligue. Ça marche de même. Mais vos yeux. C'est pas parce que c'est une vedette. Vous allez faire quoi? Vous allez vraiment dire qu'un autre Steve Crosby qui va comme jouer quand il est blessé? Ils ont perdu une game. Puis McDavid, il pouvait pas aller jouer sur le powerplay parce que genre, il était en train de checker le protocole. Whatever, regarde. Ah, ils ont pété leur coche solide. On s'en calisse pas. Ça fait partie de la game, c'est de même. Tu te fais sortir de la game parce qu'il y a un protocole à suivre. C'est une question de protection des joueurs. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'un gars comme McDavid, qui est un superstar dans la ligue aujourd'hui, c'est qu'il mentionne, qu'il dit ça carrément, qu'il est en crise à cause de ça. Ben ouais, mais il est TPS. C'est pour ça qu'il pourrait paraître top avec ses coachs. Mais il est jeune. Ouais, mais c'est un power play. C'est un manque d'expérience. Honnêtement, c'est triste. C'est juste un manque d'expérience. Dans la NFL, ça arrive maintenant au corps partant qui est à diverges des buts. 1 et 10, ici, one and goal, ici, puis ça y arrive, man, il sort pour 3 jeux. C'est cabochon. Que ça soit la finale du Super Bowl, c'est pas cabochon. C'est cabochon, je parle du geste de McDavid d'avoir carrément. Mais ça, c'est parce qu'il est jeune, il va apprendre. Chris, ça te protège. C'est une question d'expérience. Ça fait chier tout le monde, mais les refs, ils peuvent pas jouer à ça. Les coachs, ils peuvent pas le dire. Si tu veux. Parce que là, t'as l'air d'un estarié. Les coachs, ils l'ont dit. T'as l'air d'un estarié de tout croche, tu peux pas t'accorder. Ouais, mais gars, ça fait partie. C'est le protocole. C'est nouveau de cette année, ça. Ça, c'est les spotters. C'est la première fois cette année qu'il y a les spotters qui sortent. On, esti, puis Jean, get over. C'est rendu de même. Move on to the next round. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. C'est Wave Race. Fait que j'ai une vidéo, là, dans la main dernière. Dave, c'est ton highlight de la journée. Ah, tabarnak. Un but à 2-1 de Derek Ryan et Brock McGinn en Caroline. Un beau 2-on-1, mais tu sais, comme genre parfaitement exécuté par la Caroline. Check et ça, comment c'est de toute beauté, ce jeu-là. Ah, les deux gars partent, là, puis c'est un bel échange. Allez voir ça, là. On le voit en ce moment à l'écran, nous autres, là. Paf. Paf, wow. Ping! C'est Chris, man. C'était vraiment... La passe en arrière, par en arrière, c'est short-handed. Zadkov. C'est parce que c'était Zadkov des goals. Le pauvre Zadkov. Je pense qu'on va le revoir dans un autre temps. Même Price, je suis pas sûr qu'il l'aurait arrêté. Honnêtement, c'est un Chris. À deux compteurs, c'est pas sûr, man. Price aurait peut-être eu une chance. Au moins, il aurait une chance. Checker de l'autre angle. Ça passait vite, là, les passes de gauche. On va le voir, il s'en reprise. Il y a un hostie de beau jeu de passe, là. Ben, les gars sont tight, pour vrai, là. Ah, c'est Chris, oui. Passe. Ah, mais là, c'est 2-1 et tout. Ah, ouais. Check, la passe en arrière, la passe. Ping. Puis, tu sais, le gars, là, il reste tard. Tu sais, le def, là, il slide, puis il stop fuck. Check comment il reste. C'est qui le def? C'est Drew Doughty. Il a bien joué Doughty. Il est poche Doughty, tu sais. Ouais, ben joué. Qui a dit ça? Il a fait c'est un 2-1, man. C'est un 2-1, c'est short en crise. Je rappelle des souvenirs. Ah, c'était beau, la petite passe en arrière. Personne n'a dit qu'il était poche, là, Audi. Je sais que personne n'a dit pas. J'ai scoré dans ce game-là. Je peux comprendre à ma tête. Okay. Dernière affaire, messieurs. Around the NHL cette semaine, ben, ça revient pas au CH, là. Ça revient à Subban et Brisebois. Il y a eu une genre de mini controverse parce que Brisebois a dit que Subban, des joueurs de même. Ouais, j'ai entendu l'entrevue. J'ai l'extrait audio de Brisebois, fait qu'on écoute ça tout de suite. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour Piqué Subban, excellent joueur de hockey, mais dans les 18 ans que j'ai joué dans la Ligue nationale, des joueurs comme ça, j'en ai vu. J'en ai vu, puis ça reste pas longtemps. Ça reste pas longtemps parce qu'un joueur ne peut pas être plus gros que son équipe. C'est en équipe que tu gagnes des championnats. Et je dis pas que le Canadien n'aurait pas gagné sans Piqué Subban. Mais si ça l'attire, il s'est trompé, il dit l'inverse. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Puis regarde le début de saison qu'ils ont eu. Regarde tout le monde. Oui, Carey Price est en santé. Les choses, je pense que tu parles aux joueurs. Puis je trouve que l'atmosphère a changé. Tu parles comme Terry. Penses-tu qu'on a un club pour veiller tard cette année? Penses-tu qu'il faut que Marc Bourque améliore quelque chose? Oui, peut-être encore. Bon, présentement, on mentionne. Bon. On a mis à marquer des buts, mais écoute, c'est difficile de marquer des buts. Là. On peut-tu y enlever son micro à Brisebois? Oh, lui, ben. Ben, écoute, ah, il s'est fait mettre dehors de TVA en passant. Ah, mais asti qui communique mal, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Il la misère à communiquer. Il s'est fait mettre dehors de TVA, il a témoigné là-dessus en disant que comment il se sentait. Ça a beau être un ancien joueur, puis il était bien bon dans l'analyse, mais il était correct par rapport à ça, il a fait son mea culpa, puis il a dit genre... T'sais, une job, ça s'apprend, puis j'ai... Ah ouais, mais t'entends mieux. Il y a de la misère à s'exprimer, ben, c'est correct, mais... Mais c'est la misère à s'exprimer, mais... Que ce gars-là, il fera pas longtemps feu dans la Ligue nationale. Il va faire long feu, puis qu'il est souvent... C'est cheap shot. T'sais, pour de vrai, oui, il y en avait des joueurs qui étaient plus gros que les équipes, puis que... Non, mais il parle dans le contexte de Montréal, ça marchait pas. Ben, mettons, Breton, il était plus gros que son équipe. Il parle d'une équipe overall, d'une équipe, c'est ça, exact. Mais il dit quand même... Je pense pas que Piqué, genre, va... Piqué va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va déranger les clubs? Ouais, à moins qu'il se blesse. Est-ce qu'il va déranger dans les clubs où ce qu'il va être? Peut-être. Peut-être. Ben, mais sûr, ça empêchera ben, pas ben, sa carrière. Sûr, il y en a beaucoup de joueurs. Peut-être qu'il ne fera pas long feu dans le club où ce qu'il va être. C'est ça. Ça empêchera pas sa carrière. C'est comme Dion Phaneuf, mais dans n'importe quel club. Ça se peut que je te ramène, on va voir. Bref, bonne carrière. Brisebois, je peux vous dire une chose, il tient encore du monde à TVA Sport. Ah, whatever. Ouais, non. C'est sûr. Ouais, Brisebois, là. Je l'ai vu au Lover. Où tu l'as vu? Je l'ai vu au Lover, je suis allé l'espionner. Ouais, ouais, t'es allé l'espionner. T'étais pour un mandat. Avec Chico, Chico Corleone. Fait que Hélène puis Linda, il y a le comment? Oh, elle était jeune. Chico, tu l'as croisé après l'avoir callé out. Linda, 43 ans. Linda, 43 ans, Chico, sur le bâton. J'ai joué avec Chico. Non, fumeuse, j'aime les chats. C'est parfait, j'aime les chats. C'est con, hein. Ah, Linda, 43 ans, non fumeuse, aime les chats. Mais allez, c'est le bâtard. Se rend de la chatte. Serge, 40... chatte. Pas tôt, là. Serge, 44, aime les chats. Donc, le podcast est terminé. Good laugh. Est-ce qu'on a un cas? Jeff, as-tu des carottes à finir pour finir l'année? Si j'ai pas trop parlé, je pourrais en faire. Ben là, c'est ton, là, c'est ton segment. C'est ton segment. Voyons donc. C'est ton gagne-pain. Bon, là, il donne quelques caméras. Si t'as pas de call-out, c'est comme une déception. Jeff, je te donne la caméra. Tu veux-tu celle-là? Attends, je vais te mettre à la caméra centrale ici. Voilà. Là, Noël arrive. Choisis ta cam. Je vais baisser son volume. Pick your cam. Le cahier sport de la presse. Test your might. Ça part bien. Ah, le cahier sport de la presse. Tu dérapes en essai. Non, mets ton micro devant ta bouche quand tu parles. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, vas-y, Jeff. Alors, je vais commencer par le staff du cahier sport de la presse que je te dirais que dernièrement, vous me décevez en tabarnak. Premièrement, Marc-Antoine Grondin, là, tes hosties questions compliquées, tabarnak. Tu sais bien que le coach canadien puis le DG du Canadien, là, ça n'a pas de secondaire 3. Là, fait qu'arrête, hostie, de faire des phrases compliquées avec des virgules à n'importe quelle place. Ils comprendront pas plus. Ouais, puis tes hosties textes, là, beaucoup trop analytiques, là, sont plates. Honnêtement, là, je lis en diagonale dans tes hosties textes. Puis ton hostie look là, de Beetlejuice, là, des vierges ou je sais pas trop de quoi t'as de l'air, là. Ben, tabarnak, là, tu fais dur. Là, on va te tasser, là, Richard Labbé, ton petit talk show que t'avais dans la presse plus, c'est samedi matin, là, avec la petite fille, là, qui s'appelait, je m'en souviens plus combien, là. Elle, là, OK, votre show, il était plate en tabarnak. Puis toi, en plus, là, tes hosties joke plates, toi, t'es juste là pour blaster des Canadiens de Montréal. Pour toi et dernier, rentrer en collision sur Beaumister. Non, non, c'est une mise en échec qui a manqué. Puis en plus de ça, là, tu vas commencer tout le temps à bâcher sur le Canadien. Tabarnak, on est premier, calice, Richard. T'es là pour pouvoir donner la nouvelle. T'es pas là pour commenter. Si tu veux commenter, mais fais un podcast comme Martin Lemay qui s'appelle On Jase à RDS. Mais je pense pas que tu serais capable parce que tu sais pas c'est quoi un podcast. Martin Lemay, moi, t'apprends comment parler. Son podcast devrait s'appeler On s'en calice, on jase. On jase, là. On jase de ça, là. Mais Richard Labbé, non, tu me déçois. Puis ton look de coupe de cheveux de 90 ans, là, des années 90, on s'en calice. Tabarnak, toi là, tu devrais changer de cahier puis aller dans le cahier pause du dimanche. Elle pause du dimanche. Philippe Quentin là, arrête de parler des règlements de hockey. Le hockey c'est un sport pour hommes. Esti, si tu plus qu'il y a de bataille là, tu vas défavoriser le sport. Le sport c'est un sport d'hommes de contact. Ça a toujours été de même. Price avait le droit de fesser sur le gars. Esti, tout le monde aurait fait la même calisse d'affaires que Price a fait. Arrête de dire que tu as changé le règlement et que Price aurait pu se blesser. Toi, tu dois avoir peur en tabarnak que ton enfant traverse la rue, esti. Arrête. Hein? Non, mais vraiment, là, je suis plus capable de Quentin. Là. Toi, tes hosties règlements, t'es même pas un sportif, calice. Le badminton, c'est même pas un sport, tabarnak. Puis tes hosties shorts, garde ça chez vous, tabarnak. Des thèmes, là, c'est fait pour toi. Je l'ai dit l'année passée, puis je t'ai vu au magasin de thèmes. Là, t'es un esti de lettre. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, j'étais allé chercher mes achats de Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Bref, la presse, je suis extrêmement déçu. Puis c'est rendu que Danny Dubé doit collaborer le samedi pour pouvoir boucher les trous puis avoir un texte qui a beaucoup plus de sens. Moi, non, ça c'était trop ça. Après un, on n'a pas eu de l'année. Fait que bonne année! Alors, vos souhaits pour 2010, tout le monde, on espère que JF va caller out des gens de l'Organisation du Canadien et des journalistes. Un petit bonus. J'ai pas besoin de gâcher le Canadien parce que, par raisonnement, il faut. Mais dans ce temps-là, on range le doigt et on calme personne. J'ai eu un flash de mallette. La mallette, il se contredit tout dans son call-out par rapport à ce qu'il dit ici. Monsieur Besson, genre, puis il y a les yeux qui roulent à l'enfer à un moment donné. Allez revoir le spécial Noël de 2 ans, je pense. Ah, moi, je vais aller le revoir, c'est sûr. Merci. J'ai d'avoir un flash. Je t'en souviens plus, je m'en rappelle. Il fait comme un genre de. La tête est swivel dans un coma éthylique pendant un podcast là. Pendant 10 secondes c'est passé. Fait qu'avez-vous quelque chose pour terminer les gars? Fait que ça fait le tour pour 2016, une autre année folle en rebondissement pour le Canadien. 2016 on est passé de team team vraiment à chier en janvier à team pas pire en ce moment là. Fait que c'est l'émission du 6 là, pour c'est pas pire là. L'émission du 6, on a du stock en tabarnak. Vous êtes bien mieux. C'est quoi la raison de ça? C'est que Price est là. Tu seras même pas là. Mais j'ai dit, vous êtes bien mieux d'être là. Je me suis exclu de la conversation. Il va avoir un mois à rattraper. Pour le vrai, la game, la première période, la liste de games. Ouais, mais on va juste dire les stats, qu'est-ce qu'on a eu, puis les gros moments forts parce que ça va être trop long. Le 10 décembre. On va peut-être être là. Puis on espère avoir passé par-dessus le slump. Avec une tractéotomie. C'est dans les fêtes. Tractéotomie. On va être là. Salut les amis. Fait que c'est tout pour ce soir. Salut Lisa. On se revoit le 6 janvier 2017. À la prochaine tout le monde. Oh. Bye.